Alors, on va commencer. S'il vous plaît, un peu de silence. Pour ceux qui sont debout à l'arrière, vous dire qu'il y a encore quatre places vendues si vous voulez venir vous asseoir à l'avant. Alors, je vous dis bonsoir. Je suis Louise Bourdage, conseillère en communication au Bureau d'audience publique sur l'environnement, puis familièrement appelée le BAS. Je suis accompagnée ce soir de ma collègue, Mme Julie Olivier, qui nous a accueillis à l'entrée. Julie est aussi conseillère en communication et elle m'accompagne ce soir pour m'aider, c'est sûr, mais aussi pour prendre en note toutes les préoccupations qui se font soulever ici. Je vais en profiter pour vous présenter les gens qui vont prendre la parole ce soir. Alors, la première personne, c'est M. Jean-Sébastien David, je vais demander de vous lever, qui est la Corporation minière Occipo. Il y a M. Bernard Fournier, de Génivard, et Mme Renée Loisel, qui est du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs. Alors, cette soirée a deux buts. Le premier but, c'est de vous informer sur le projet et de vous faire connaître aussi la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement. Le projet se retrouve à l'intérieur de cette procédure-là et on va voir à quelle étape le projet est rendu. Je poursuis aussi le but de vous expliquer quel est le processus de la participation publique. Ça vous concerne d'autant plus au premier chef. Et le dernier but, c'est de vous permettre de pouvoir poser toutes les questions que vous voulez, que ce soit sur le BAP, sur le projet, ou sur la procédure du MDDEP. Alors, on va voir le déroulement de la soirée. Alors, on va procéder par présentation verbale et aussi avec certains clips, des clips vidéo qui durent généralement, outre le premier, mais qui sont un peu plus longs, les autres, c'est 2 minutes, 2 minutes 30. On va commencer par la procédure d'évaluation des données des impacts sur l'environnement. Par la suite, on va voir le BAS, son rôle et les mandats qu'on reçoit. La période d'information et consultation publique, qui est le mandat dans lequel on se retrouve actuellement. On va aborder le rôle du citoyen, la demande d'audience publique, le mandat d'enquête et d'audience publique. Tout de suite après viendra la présentation du projet et on passe à la période des questions et d'échanges tout de suite après. C'est probablement ce pourquoi vous êtes surtout ici. Alors, je vous demande de garder vos questions pour cette étape-là. Alors, on va commencer avec la procédure d'évaluation des données des impacts qui va vous expliquer toutes les étapes à travers lesquelles le projet doit passer. On a un petit problème de son. La mission du ministère de l'Environnement est d'assurer la protection de l'environnement dans une perspective de développement durable. Par le biais de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement, certains projets tout à fait visités dans le sud du Québec sont soumis à une évaluation environnementale. Sous la responsabilité du ministre, la procédure est encadrée par la loi sur la qualité de l'environnement. Par le règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement, et par les règles de procédure relatives au déroulement des audiences publiques. Elle constitue un outil primordial pour le ministre dans l'exercice de ses fonctions, soit la surveillance et préservation de la qualité de l'environnement et le conseil auprès du gouvernement en matière environnementale. Les projets visés par la procédure touchent presque tous les secteurs de l'activité humaine. Il s'agit de projets pouvant perturber l'environnement de façon significative tant le milieu humain que biophysique, et susciter des préoccupations chez le public. La procédure s'applique autant aux projets publics que privés. La procédure vise à orienter l'initiateur du projet dans sa planification, afin qu'il tienne compte de l'environnement et des préoccupations de la population. Elle vise aussi à informer et à consulter le public, afin qu'il prenne connaissance du projet et de ses impacts, et qu'il exprime ses préoccupations. Enfin, La procédure sert à éclairer la décision du gouvernement concernant l'autorisation du projet. La direction des évaluations environnementales est responsable de l'application de la procédure. Elle s'appuie sur une équipe multidisciplinaire d'une quarantaine de spécialistes du domaine de l'environnement. Ces spécialistes examinent en consultation avec les autres ministères et organismes publics concernés la qualité des études d'impact et analysent l'acceptabilité environnementale des projets. La procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement comporte six phases. En premier lieu, l'initiateur remet au ministre de l'Environnement un avis de projet. Cet avis décrit succinctement les composantes du projet. Une directive précisant les éléments à inclure dans l'étude d'impact est transmise par le ministre à l'initiateur de projet. L'initiateur remet ensuite son étude d'impact au ministre. La direction des évaluations environnementales, en consultation avec les ministères et organismes concernés, vérifie si les exigences de la directive ont été respectées. Si nécessaire, des questions et commentaires sont adressés à l'initiateur afin qu'il apporte des précisions ou des compléments d'information à son équipe. Après réception des réponses de l'initiateur, lorsque l'étude d'impact est jugée satisfaisante, la direction des évaluations environnementales produit un avis de recevabilité qui permet au ministre de décider s'il l'a rendu. Les phases 3 et 4 permettent l'évaluation du projet. Elles se déroulent en parallèle. La phase 3 est conduite par le Bureau d'audience publique sur l'environnement et fait appel à la participation du public. Pendant la phase 4, les spécialistes du ministère, en collaboration avec les autres ministères et organismes concernés, analysent le projet afin de conseiller le ministre sur son acceptabilité environnementale et sur la pertinence de le réaliser ou non, et, le cas échéant, sur les conditions d'autorisation. À partir du rapport du BAP et du rapport d'analyse environnementale, le ministre de l'Environnement effectue sa propre évaluation du projet. Il recommande ensuite au gouvernement l'autorisation ou le refus du projet. Mais la décision finale appartient au gouvernement. Si le projet est autorisé, le ministère vérifie la conformité des plans des devis avec la décision gouvernementale, puis délivre un certificat d'autorisation. La dernière phase de la procédure concerne la surveillance, le contrôle et le suivi environnemental du projet. Sous la responsabilité de l'initiateur, la surveillance et le suivi se traduisent entre autres par un programme de vérification sur le terrain. La surveillance vise à assurer que les travaux et les activités d'exploitation sont conformes aux autorisations. Le suivi consiste à vérifier la justesse des prévisions et des évaluations de certains impacts, tant sur le milieu humain que biophysique, et l'efficacité de certaines mesures d'atténuation ou de compensation. Lorsque requis, des rapports de surveillance et de suivi sont déposés au ministère. Le contrôle est sous la responsabilité du ministère. Celui-ci vérifie la mise en place et l'efficacité des programmes de surveillance et de suivi, ainsi que le respect des règlements et des autorisations gouvernementales et ministérielles. L'évaluation environnementale est un instrument précieux pour assurer le développement durable. Elle s'appuie sur les valeurs des individus, des groupes et des collectifs. Grâce à cette procédure unique, les projets sont mieux conçus. Leurs impacts, tant sur le milieu humain que sur le milieu biophysique, sont limités au minimum. Pour obtenir des renseignements complémentaires sur la procédure en général, vous pouvez consulter notre site internet ou nous rejoindre au numéro de téléphone suivant. Alors, vous aurez compris que c'est possible d'avoir un peu plus de lumière, si vous faites. Vous aurez compris qu'à chaque fois qu'il était question du ministère de l'Environnement, on faisait appel à l'ancienne appellation du ministère qui maintenant est devenu le ministère du Développement durable de l'Environnement et des Parcs. Donc, l'adresse Internet à la fin, Nous avons la nouvelle adresse à l'arrière. Si vous en avez besoin, on vous la fournira. Comme vous avez vu, pour la procédure à l'intérieur de laquelle se retrouve le projet actuellement, c'est à la phase 3 que le DAP intervient. Alors, on va aller voir un peu mieux. Peut-être juste souligner dans le carré bleu, là, dans le rectangle bleu, on retrouve trois mandats. On peut recevoir trois sortes de mandats en ce qui concerne cette procédure-là. Le premier mandat, c'est lorsque le ministère a toute la documentation pour dire effectivement on peut procéder à l'évaluation environnementale, il faut la rendre publique. Donc là, le ministre nous donne un mandat en disant rendez cette information-là publique, vous avez une période de 45 jours et on va voir un petit peu plus loin qu'est-ce que ça veut dire, c'est un petit peu plus que ça que ça veut dire aussi, mais c'est le mandat dans lequel on se retrouve actuellement. Le deuxième mandat, c'est un mandat de médiation. Ça dit ce que ça a à dire. Donc ça, c'est à peu près 2 mois. Il n'y a pas vraiment de délai réglementaire, alors que pour l'enquête et l'audience publique, c'est un délai de 4 mois. C'est le mandat qui est le plus connu de la population et c'est un mandat, comme je disais, d'un maximum 4 mois. Tout ça pour vous dire que, dans le fond, le BAP n'intervient pas de son propre chef parce qu'un projet pourrait être intéressant ou pas du tout. Il faut qu'on soit appelé, mandaté à le faire pour pouvoir intervenir. Alors, on va aller voir un script de 2 minutes, un peu plus succinct, pour expliquer ce qu'il passe. C'est fermé? En créant le Bureau de science publique sur l'environnement en décembre 1978 par l'adoption de la loi modifiant la loi sur la qualité de l'environnement, l'Assemblée nationale du Québec affirmait le droit des citoyens à l'information et à la consultation. Elle reconnaissait officiellement la valeur et la pertinence de la contribution de la population québécoise à l'évaluation environnementale. Plus encore, elle permettait aux Québécois de contribuer à la décision du gouvernement d'autoriser ou non la réalisation d'un projet susceptible d'avoir des répercussions majeures sur leur environnement. Le Bureau d'audience publique sur l'environnement, aussi appelé le BAP, est un organisme de consultation publique. C'est pour les citoyens un outil privilégié d'information et d'expression sur les projets susceptibles d'avoir des conséquences sur la qualité de vie de leur milieu. Afin d'assurer l'indépendance et la neutralité de ces commissions, les membres du BAP sont assermentés et souscrivent à un code d'éthique et de déontologie rigoureux reposant sur l'équité, l'intégrité, l'impartialité et la transparence. Bien que les commissions du BAP privilégient une approche consensuelle, elles peuvent utiliser le cas échéant leur pouvoir quasi-judiciaire afin d'assurer au public l'accès aux documents requis pour l'examen d'un projet. Véritable outil d'aide à la décision du gouvernement, le BAP fournit au ministre de l'Environnement un rapport contenant, entre autres, le point de vue et les suggestions des citoyens, des municipalités, des groupes et des organismes. C'est en s'appuyant sur le résultat de la consultation publique menée par le BAP et sur l'analyse environnementale effectuée par le ministère de l'Environnement que le ministre fait une recommandation au Conseil des ministres à qui revient la décision finale d'autoriser ou non le projet. Pour effectuer son enquête, réaliser son analyse et faire rapport, le BAP consulte de la population dans le but d'identifier les attentes du milieu et de cerner les enjeux liés à un projet. Le BAP et le ministère de l'Environnement relèvent tous deux du ministre de l'Environnement. Cependant, ce sont des entités différentes, indépendantes l'une de l'autre et donc complètement autonomes. Alors, je vous disais qu'on va regarder plus près ce que ça peut vouloir dire un mandat de 45 jours pour l'information et la consultation publique. Ce mandat-ci a commencé le 26 janvier et il se terminera le 12 mars. C'est un délai qui est réglementaire, c'est pas plus ou moins 45 jours, c'est vraiment 45 jours. Si on dit qu'on veut rendre publique la documentation, la première chose qu'on fait, c'est qu'on ouvre des centres de consultation dans le milieu. Ici, à l'article, à la Caisse populaire, il y a un centre de consultation et à la bibliothèque, aussi la bibliothèque municipale. Ce qu'on fait par la suite, on organise une séance d'information. Et durant ces 45 jours-là, il faut se rappeler que c'est la seule porte d'entrée pour le citoyen, dans le cas d'un projet. Durant ces 45 jours-là, il n'y a que cette période qui est concernée par la demande d'audience publique. En dehors de ces périodes-là, les demandes ne sont pas recevables. Donc, si on veut faire une action, c'est uniquement durant ces 45 jours-là. On va voir un peu plus loin en quoi consiste une demande d'audience publique. À la fin de ces 45 jours-là, on remet un rapport à la ministre pour lui indiquer tout ce qu'on a entendu et vu, quelles sont les préoccupations qui ont été soulevées. On met tout ça dans le compte-rendu qu'on lui achemine. Et ce compte-rendu-là, il est rendu disponible environ 6 jours après la fin de la période d'information. Il va se retrouver ici dans vos centres de consultation. Alors, la demande d'audience publique. Une personne seule peut faire une demande d'audience publique, un groupe, une municipalité, tous ces gens-là peuvent faire une demande d'audience publique. Ça peut être simplement une lettre manuscrite, ça peut être, peu importe le format que ça prend, mais il faut que ce soit acheminé directement à la ministre au plus tard, le 45e jour. Ce qu'on doit trouver là-dedans, c'est simple. Ce qu'il faut écrire, c'est « oui, je demande une audience publique ». Pourquoi je demande une audience publique? En quoi le projet me concerne? Alors ça, c'est vraiment les éléments de base et il ne s'agit pas de broder alentour de tout ça, là. Il s'agit vraiment d'aller à l'essentiel pour que la ministre puisse évaluer cette demande-là. Cette demande-là, elle est évidemment formulée par écrit. Elle lui est adressée directement. Dans la documentation, vous aviez sur vos chaises, vous avez toutes les coordonnées de la ministre pour lui faire acheminer ça à son cabinet. Évidemment, au plus tard, le 12 mars, comme on disait tout à l'heure, un délai 45 jours réglementaire. Allons voir ce qu'est une enquête et une audience publique, puisque plusieurs d'entre vous, quand j'ai dit pour faire une demande d'audience publique, les gens prenaient des notes pour savoir comment le faire. Alors, s'il y a audience, allons voir comment ça se déroule. Lorsque le pape reçoit du ministre mandat d'enquête et d'audience publique, le président du pape procède à la formation de la commission et désigne la personne qui en assurera la présidence. L'audience se déroule en deux parties. La première est consacrée à la recherche d'informations sur tous les aspects et les enjeux du projet. La deuxième permet l'expression des opinions de la population. Au début de la première partie, la commission entend les requérants pour leur permettre d'expliquer les motifs de leur demande. Le promoteur présente ensuite son projet et les répercussions environnementales qu'il prévoit. Puis, le promoteur et les personnes ressources invitées par la commission répondent aux questions de la population et de la commission. Le but est de cerner tous les aspects du projet et d'obtenir l'information la plus complète et la plus compréhensible possible. Au terme de cette première partie d'audience, les personnes qui souhaitent exprimer leur opinion sur le projet disposent d'au moins 21 jours pour préparer un mémoire ou une présentation orale. Elles peuvent alors consulter la documentation disponible. Lors de la deuxième partie d'audience, la commission entend les opinions des personnes, des municipalités, des groupes et des organismes ayant déposé un mémoire ou souhaitant faire une présentation orale. Une fois la partie publique terminée, la commission entreprend l'analyse du projet avec son équipe. Pour ce faire, elle utilise les transcriptions de l'audience, les documents déposés, les mémoires et une présentation des participants à l'audience, ainsi que ses propres recherches, ce qui conduit à la rédaction du rapport. Celui-ci fait état des points de vue exprimés en audience et contient les constatations de la commission et l'analyse qu'il en a fait. Au terme du mandat d'une durée maximale de 4 mois, le président du pape transmet le rapport au ministre. Par la suite, le ministre dispose de 60 jours pour rendre le rapport public. Alors, juste pour être sûr que l'audience est bien saisie. Ce qui est important qu'on sente, ce sont les deux parties de l'audience. La première partie, les gens viennent questionner. La commission a son propre questionnement aussi. Le promoteur est là avec ses experts pour aller un peu plus loin dans le questionnement. Et les personnes ressources sont là aussi de différents ministères pour pouvoir répondre à toutes les préoccupations qui ont été apportées. C'est important que je vous dise ça parce que les demandes d'audience publique, les raisons pour lesquelles les gens font des demandes d'audience publique, c'est vraiment très important pour les commissions. Les commissions vont essayer d'aller chercher des personnes ressources qui vont le mieux répondre aux préoccupations qui sont indiquées et qui ressortent de ces demandes d'audience. Alors, lors d'une enquête d'une audience publique, on tient quand même à vous dire que la démarche d'analyse de la commission est guidée. Il y a 16 principes de développement durable qui ont été définis dans la loi sur le développement durable. J'ai la liste des 16 pour ceux qui la voudront. Je ne les nommerai pas tous. Vous mentionnez aussi que le BAP reconnaît la contribution des citoyens, en ce sens que pour le BAP, le citoyen, c'est l'expert de son milieu. Processus de décision, on est revenu quand même à quelques occasions là-dessus. Je m'étendrai pas, on est quand même assez chaud dans la salle, il y a plein de gens qui sont debout, on va passer à la période de questions le plus rapidement possible. Alors, j'inviterai commencer par M. David pour la présentation du projet. Merci, Mme Bourdin. Mon nom est Jean-Sébastien David, je suis vice-président développement durable pour la Corporation Minière Ticou. À la demande du BAP, ce soir, nous allons faire une courte présentation qui rend les grandes lignes de notre projet. Je serai accompagné de M. Bernard Fournier, qui est directeur de projet chez Geniva. Et nous avons engagé l'entreprise Geniva pour effectuer l'étude d'impact environnemental. Donc, l'objectif est de pouvoir préparer vos questions pour les futures auditions. Principalement, le projet consiste à reprendre une activité minière qui a déjà existé, une activité minière dans le secteur de l'ancienne Canadienne Malartic. Notre dossier consiste à exploiter un gisement qui a déjà plusieurs sessions de forage. C'est ce qui nous a permis de pouvoir vous informer que les réserves prouvées et probables du gisement sont de 6,28 millions d'onces d'or et la ressource impliquée donc pourrait s'ajouter à ce 6,28 millions d'onces d'or, 1,41 millions d'onces d'or. Pour exploiter ce gisement, nous le ferons de manière assez ouverte sur les anciennes installations de la Canadienne. Nous aurons besoin de construire une usine de traitement du minerai qui aura une capacité de 55 000 tonnes par jour. La production annuelle que nous prévoyons est de 580 000 onces d'or par année. Et le cycle de vie du projet se fait sur une durée de 15 ans et nous excluons notre présence là-dessus à ce jour et depuis 2005 que nous sommes présents à Malartic. Nous excluons ça, bien entendu, dans le cycle de vie. La valeur totale du projet est de 789 millions de dollars est inclus dans ce 789 millions de dollars une contingence de 64 millions. Les principales composantes. Donc, nous avons tout fait pour placer l'ensemble de nos installations à l'intérieur d'un site déjà impacté. Donc, l'activité minière du milieu du siècle, on parle ici du parc à résidus de la Canadienne, le parc ici de la Sladen-Barnat et sous le nouveau parc à résidus, le parc, le site orphelin de la East Malartic. Donc, la première composante est le parc linéaire dont nous allons intégrer une butte écran, le mur vert. Nous avons également la fosse. De quelle manière nous allons exploiter la fosse? Donc, par dynamitage par vent. La roche, la pierre va être chargée à l'aide de pelles électriques et nous allons sortir le minerai par voie de camion. La roche stérile, donc la roche ne contenant pas d'or, va être placée sur notre halle de stérile. La roche contenant de minerai ira dans notre compresseur. Vous avez un empilement ici à mi-chemin. Cet empilement-là va servir parce que lors des planétages, on ne pourra pas faire des planétages à tous les jours. Si les conditions météorologiques ne permettent pas, il n'y aura pas de planétage. Donc, comment nous allons faire pour alimenter l'usine? Nous allons avoir cet empilement qui va nous permettre d'assurer l'approvisionnement. Donc, une fois que le minerai a été concassé à 15 cm, il va emprunter un convoyeur de longueur de 1,5 km. Donc, pourquoi un convoyeur ici? C'est parce qu'on a voulu éviter l'utilisation des camions. Une fois passé à l'usine, l'usine de traitement, le résidu sera épaissi. Donc, c'est un projet un peu spécial ici que nous apportons. C'est une technologie qui existe, mais qui n'est pas beaucoup employée, étant donné le coût d'opération. Mais nous faisons le pari que c'est la meilleure manière de faire, et ce sera, je crois, une manière qui sera employée dans l'avenir, des résidus épaissis. Donc, nous allons fermer l'ancien site de la Haie Saint-Lartic avec l'aide de ces résidus, qui seront, en passant, détoxifiés, donc une usine de détoxification avant la sortie de l'usine. Ça aussi, c'est pas courant. Le dernier point ici, c'est notre bassin de polissage, bassin qui doit être construit pour la fermeture de la haie. Mais étant donné qu'on veut toujours réutiliser ce qu'il peut y avoir sous notre main, nous allons utiliser ce bassin-là comme réservoir d'approvisionnement en eau de processus. Donc, une vue générale du complexe minier. Pour vous donner une ordre de grandeur, le coin est du coin ouest, ça représente 500 mètres, donc un demi-kilomètre. Vous avez le lieu d'entreposage de minerais, donc il va être déposé dans un lieu d'entreposage couvert pour traverser, se faire traiter dans cette partie d'usine. Le troisième bâtiment est un bâtiment plutôt de service. Nous avons le complexe pour réparer les camions et le complexe administratif. Donc, rapidement, l'année zéro, ça représente quoi, l'année zéro? Ça représente la fin de la construction du complexe minier et le décapage au-dessus de notre futur pont. Le matériel du décapage servira à la construction du parc linéaire. Donc, on va essayer de maximiser l'emploi du matériel en place pour éviter le transport de matériel venant de l'extérieur. Donc, à l'année 3, on peut voir que l'empreinte de la fosse sera terminée, donc par la suite, ce sera plutôt, on va y aller plutôt en profondeur. Donc, à l'année 5, on peut constater des bordures un peu là, verdoyantes, et le fait d'avoir opté pour des résidus, ça nous permet de faire une réhabilitation, une revégétation du parc aristique de manière continue. Donc, dès l'année 3, nous serons en mesure d'avoir une hauteur suffisante pour commencer à faire notre reboisement. Les résidus épaissis, pour votre gouverne, après 3 jours, ils se durcissent. Donc, c'est un net avantage pour nous si on compare avec les résidus conventionnels, où est-ce qu'il faut attendre la fin des opérations pour pouvoir faire une restauration du site. Donc, à l'année 12, vous voyez la suivante. Donc, vous voyez la disparition de l'usine. Et pour ceux qui s'interrogent, et on pourra en traiter plus en détail lors des audiences, nous avons des options pour remplir la fosse, ennoyer la fosse d'une manière un peu plus rapide. Donc, on parle de 24 années. Donc, je sais qu'on avait déjà présenté le projet. Mais on a la possibilité de faire une déviation, et ça pourra être discuté lors du débat. Donc, une vue, ici, une simulation visuelle de la ville de la paix, le parc linéaire dans lequel nous allons intégrer la butte écran, donc une hauteur de 15 mètres, L'objectif principal était l'effet visuel. Lorsqu'on a fait des sondages à l'intérieur de la ville, l'impact visuel était vraiment un des critères. Donc, le parc linéaire va ceinturer les opérations pour vraiment séparer la zone urbaine et la zone d'exploitation. Pour vous donner un point de référence, vous avez ici le visé. Et pourquoi ces espèces de petites plages fantômes? C'est des endroits que nous avons prévus pour pouvoir habiller le mur selon l'intérêt de la population. Nous pourrons mettre des affiches, des panneaux. Les projets connexes. Le projet Canadien Malartic, autour de ce projet-là, gravite plusieurs projets connexes. Vous voyez des opérations présentement, ce sont des opérations reliées à l'entente que nous avons signée avec le ministère des Ressources naturelles de la Fonte dans le cadre de la fermeture du site orphelin de la Isle Malartic. Une entente de 23 millions. Et nous voyons que régler ce vieux problème du passé n'est que gagnant-gagnant. Nous, nous avions besoin d'un espace pour mettre nos résidus. Voyons que c'était le meilleur endroit avec les résidus pesticides qui pouvons fermer adéquatement. Du côté du projet de relocalisation, le projet n'étant pas soumis à l'étude d'évaluation sur les impacts, donc en 2008, nous avons débuté l'aménagement du nouveau quartier, le quartier Nord, et nous avons également procédé à la relocalisation de 60 résidents. Le projet va se poursuivre en 2009. Les bâtiments institutionnels pour ceux des locaux, vous savez que nous sommes en construction. Du côté du, je pense que l'école primaire avance bien. L'objectif est que la clientèle étudiante puisse intégrer leur nouvelle école en septembre. Du côté de la ligne électrique, donc Hydro-Québec, nous allons avoir besoin d'un approvisionnement en électricité. Elle se fera par une nouvelle ligne électrique. Hydro-Québec a ce projet connexe. Et l'objectif est de faire passer une ligne qui va partir du poste de Cadillac jusqu'à l'entrée ouest de notre usine. Nous avons un besoin en énergie de 85 MW. Les cinq autres, le dernier projet connexe, c'est un projet en continu. Donc, nous sommes une compagnie également d'exploration. C'était notre raison d'être au départ, mais là, nous cheminons vers un exploitant. Donc, nous allons poursuivre. Nous avons 230 km² de territoire. Nous allons continuer à prospecter et à effectuer des campagnes de forage. Nous avons déjà cinq sites, alentour du projet principal. La consultation du milieu a été initiée dès la première phase d'exploration. Donc, vous rappellerez que nous avons débuté des forages en 2005. Et en mai 2006, il y a eu une rencontre à l'Église pour vous faire part des résultats de ces forages-là, des possibilités et aussi le besoin d'avoir la permission pour continuer les forages, mais cette fois-ci en ville. Donc, c'est important pour nous de tout de suite communiquer et de vous faire part de vers où est-ce qu'on pouvait progresser dans ce projet. Nous avons eu tout de suite après, un mois plus tard, la création du groupe de consultation avec la communauté, le GCC, qui va célébrer son troisième anniversaire ce printemps. Je crois que tout au long, nous avons aussi, depuis un an, ouvert un centre de relations communautaires. Le GCC, le centre de relations communautaires et l'ensemble des rencontres publiques nous ont permis, je crois, de bonifier ce projet. C'est un processus en continu, c'est un processus qui ne s'arrête pas. Et je vous encourage toujours à nous faire part de vos commentaires constructifs. Je vais laisser la place à M. Poulin. Merci, M. David. Alors, ici, d'abord, une figure qui vous présente le territoire d'analyse qui a été retenu pour les fins de l'étude d'impact environnemental du projet. C'est le périmètre que vous avez ici en rouge, à travers duquel passe la propriété minière canadienne Malartic, qui est représentée par un périmètre en mauve. Donc, au cœur du territoire d'étude, la ville de Malartic, ainsi que tout le secteur représenté par la trame grisée ici, correspond au secteur des anciennes activités minières. Du côté nord, le territoire retenu pour les différents inventaires s'est étendu jusque dans la portion sud de la municipalité de Rivière-Eva. Du côté sud, le secteur des 6e et 7e rangs dans le territoire non organisé du lac Tillac a été intégré au territoire d'analyse. Et du côté est, la limite a été positionnée, la limite du territoire d'étude, dans le secteur où on retrouve l'effluent actuel du parc à résidus de la Isle Malartic. C'est dans ce même secteur que se trouvera le bassin de polissage et l'effluent final du projet canadien de Malartic. Et enfin, du côté ouest, le territoire d'étude a été étendu jusqu'à une distance d'environ 3 km à l'ouest du chemin du lac Maurice. Comme dans tout projet qui sont soumis à des études d'impact, il y a à la fois des impacts positifs et des impacts négatifs qui ont été identifiés. Tout d'abord, parmi les impacts positifs identifiés dans le cadre de ce projet, il y a l'élimination d'un site orphelin. M. David en a parlé tantôt. C'est la restauration du parc résidu de la Isle Malartic, lequel est caractérisé par un lourd passif environnemental, et en donnant la chance, l'opportunité plutôt de restaurer ce site-là, le projet canadien de Malartic a une incidence positive à cet égard. Deuxièmement, il y a le gain en biodiversité. Il faut savoir que le secteur des anciennes activités minières, il y a peut-être des îlots isolés de végétation, mais dans l'ensemble, c'est un secteur qui est passablement dénudé de végétation. Et avec la restauration en continu que M. David parlait tantôt et qui va être complétée à la fin du projet, à la phase de fermeture, bien, il y aura un gain par rapport à la situation actuelle et ça se traduit en impact positif, notamment pour la faune, par exemple. Maintenant, pour ce qui est du développement local et régional, il y a des effets positifs d'escomptés et M. David, dans une étape subséquente, vous présentera les principales retombées économiques qui sont en avec le projet. Aussi, il faut noter l'amélioration des services et des infrastructures à la communauté de Malartic qui vont découler de la réalisation du projet. Aussi, la présence d'un nouveau quartier dans la portion nord à partir duquel va pouvoir se greffer ou se poursuivre le développement futur de Malartic. Et enfin, des gains au niveau des bâtiments institutionnels qui seront relocalisés et améliorés sur le territoire. Pour ce qui est des impacts négatifs, l'étude d'impact a identifié plusieurs. On va vous résumer ici les principaux. Certains ont été qualifiés de faible importance, d'autres de moyenne importance. Ici, le premier tableau que je vous ai présenté, ce sont les principaux impacts de faible importance et les mesures d'atténuation qui y sont associées. Tout d'abord, il y a la modification anticipée du social avec l'amènement de nouveaux travailleurs sur le territoire de Malartic pour la mise en opération de la mine. C'est un impact quand même qui a été regardé et qui a été évalué de manière assez limitée, étant donné que la main-d'œuvre, de manière prioritaire, va venir de Malartic ou des milieux urbains limitrophes. Et Osisco va pousser plus loin cet aspect-là en mettant sur pied un programme favorisé l'embauche de main-d'œuvre locale et régionale. Comme deuxième type d'impact, ici, il y a le risque de projectile en fait d'éclat de roche vers les résidences du côté nord de la fosse lors des travaux de dynamitage, lors des sautages. Pour contrer ce type de risque-là et le réduire et en fait le contrer pour pas que ce soit sécuritaire pour les résidents à proximité, il y a des tapis de terre et plats qui vont être utilisés pour l'exploitation des premiers bancs de la fosse, donc pour contrer la propagation de projectiles vers le milieu résidentiel. Comme troisième type d'impact, il y a l'augmentation du bruit durant la phase d'exploitation du projet. À cet effet-là, il y a eu plusieurs mesures d'atténuation qui ont été déployées dans le cadre de l'étude afin de respecter la norme provinciale qui est une limitation à 40 décibels. Donc, pour arriver à respecter cette norme-là, les camions qui vont être utilisés sont les plus silencieux qui soient sur le marché. Il y a des écrans qui vont être mis en place. On parle de la butte écran de 15 mètres que M. David vous mentionnait tantôt, mais il y a aussi d'autres écrans qui vont être mis en place sur le site même, le long des routes de camionnage, pour limiter la propagation du bruit vers le milieu résidentiel environnant. Et aussi, à profiter pour la partie de la fosse qui est la plus près du côté des résidences, il y aura des foreuses de petite dimension qui seront utilisées, donc moins bruyantes. Pour ce qui est de l'accroissement des particules fines, encore une fois, une série de mesures ont été mises dans l'étude et seront déployées en phase d'opération pour respecter les normes provinciales dans le domaine. Parmi ces mesures-là, on voyait tantôt sur les visuels précédents que des équipements vont être abrités, dont le dôme qu'on voyait sur la salle précédente pour l'enfilement de minerais. Donc, il y aura des équipements abrités qui vont limiter la propagation des poussières. Il y aura aussi des arrosages en continu qui sont réalisés, tant sur les routes de camionnage qu'au niveau des forages. Lorsque les forages seront réalisés en prévision des sautages. Et aussi, il n'y aura aucun sautage lorsque les conditions météorologiques seront défavorables. M. David en a parlé tantôt. Ça, c'est principalement quand les vents vont venir du sud. Pour ce qui est du changement de la qualité des eaux, il y a une unité de détoxification qui va être mise en place à l'usine. Également, il va y avoir une unité de traitement qui peut être mise en place au bassin de polissage. Il y a un système de drainage, le système de drainage qui peut être mis en place pour recueillir toutes les eaux d'exhaust et de ruissellement pour les diriger au bassin de polissage, lesquelles, ces eaux-là vont être ensuite réutilisées pour le procédé de traitement. Et il y a toutes les normes applicables, que ce soit des objectifs de rejet fixés par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des parcs ou du règlement fédéral. Toutes ces normes-là vont être respectées, ce qui nous fait dire que l'impact au niveau du changement de la qualité des eaux est quand même de faible importance. Maintenant, pour ce qui est des impacts négatifs dits ou qualifiés dans l'étude de moyenne importance, c'est des mesures d'atténuation qui sont associées. Le premier, concerne le risque d'abaissement de la nappe phréatique dans certains secteurs. Ce n'est pas une certitude, c'est un risque selon les prévisions ou les modèles qui ont été déployés jusqu'à maintenant, et c'est seulement sur une courte période de temps à la toute fin de l'exploitation. Et pour s'assurer que ce risque-là soit limité au strict minimum, mais qu'il n'y ait pas d'impact sur l'alimentation en eau potable, il y aura un suivi rigoureux qui sera réalisé de tous les puits sur le territoire pour garantir les mêmes conditions qu'à l'heure actuelle en termes de débit et en termes de qualité d'eau. Maintenant, pour ce qui est du second impact dit de moyenne importance, c'est celui qui est associé à la construction de la butte écran le long de la rue de la Paix. Au plus, ce chantier-là pourra durer une année, là, spécifiquement pour la construction de la butte écran, peut-être un peu moins. Lors de ce chantier-là, vu la proximité du milieu résidentiel, il y a peut-être des nuisances qui vont y être associées, comme les poussières et le bruit. Et pour les limiter ces nuisances-là à leur strict minimum, sur le ministère environnement, comme mesure d'atténuation identifiée, il y a l'utilisation de bâches, à la fois sur les camions qui approvisionneront en matériaux le touchon de la butte, l'utilisation de bâches sur les amoncellements d'agrégats, la mise en place d'un mur écran mobile pour contrer, par exemple, les perturbations par le bruit. Et également, les travaux vont être planifiés de manière à que les trucs qui vont être réalisés face aux résidences à rue de la Paix soient dans des périodes moins sensibles, donc en hiver ou à l'automne, pas en période estivale pendant que les fenêtres sont ouvertes et les gens sont tous à l'extérieur. Comme troisième type d'impact, c'est les vibrations dans le sol. Ce qui est prévu, selon la règle normale, c'est de réaliser un sautage par jour à la fin de l'avant-midi, pendant que juste de perturbations sur le territoire, la sortie des classes, le monde va diminuer pour que ça se confonde dans le milieu. Mais parfois, M. David l'a mentionné tantôt, à cause des conditions météorologiques défavorables, il ne pourra pas y avoir de sauvetage. Et la journée d'après ou deux jours après, il va peut-être en avoir deux. Donc, un autre supplémentaire qui va être planifié à ce moment-là, probablement à la fin de l'après-midi, dans le courant de l'après-midi. Pour limiter les vibrations dans le sol, il y aura des détonateurs électroniques qui vont être utilisés. Ça a pour effet de limiter la propagation des ondes, la vitesse, de contrer la vitesse des particules dans le sol. Il y a des, comme je disais tantôt, les sautages en semaine d'avant-midi ou d'après-midi. Et il y a un cadre provincial à respecter, la directive sur les métiers minières qui fixe des niveaux de vibration dans le sol, un seuil à respecter. Et ce seuil-là sera intégralement respecté afin de protéger les structures et les bâtiments. Enfin, pour ce qui est de la modification du paysage, il y a différentes mesures de proposer et qui sont en fait plus que proposées, qui seront mises en place. Soit la restauration en continu, comme M. David le mentionnait tantôt, des travaux de végétalisation, d'aménagement de la petite écran et de différents petits écrans végétaux pour contrer certaines parties du fleuve. On a quelques illustrations qui peuvent vous montrer un aperçu de la situation. Ici, vous avez une photo de la situation actuelle à l'entrée est de Malartic. Donc, du côté droit, vous avez le noyau urbain de Malartic. Du côté gauche, c'est en direction de Val d'Or. Donc, ça, c'est la situation actuelle avec le chevalement qui se retrouve ici. Ici, vous avez la situation projetée à la fin de l'exploitation. Donc, ce qu'on voit ici, c'est la halle d'Astéril. Dans l'image, il y a déjà une mesure d'atténuation d'intégrer, en ce sens que vous voyez, c'est un couvert de verdure. Il y a déjà une restauration qui est mise en place. Et également, à cette première mesure d'atténuation-là, va s'en ajouter un autre, soit la mise en place d'un écran végétal le long de la route 67, de manière à dissimuler la ville en arrière-plan. Ici, un autre point de vue, vu de la situation actuelle de l'avenue de l'Abitibi. Donc, on est sur la rue Abitibi ici, et on voit vers les futures installations minières. Dans le moment, on voit un écran végétal au bout de la rue. Ici, vous avez une vue de ce qui serait projeté sans aucune atténuation, donc sans la brute d'écran de 15 mètres. On voit la portion excentrique, la portion ouest de l'Alde à Stéril qui simule là, ici en arrière des résistances, qui est quand même assez visible. Et ici, on a le secteur qui est maintenant pris pour la mise en place de la fosse. Et ce qu'on voit, c'est le dépôt, ce qu'on voit de couleur brunante, là, c'est le dépôt, les dépôts de résidus de l'ancienne Canadienne Malartic. Maintenant, avec l'atténuation de cet écran, tout ça est dissimulé et on ne voit pratiquement plus la halle de Abitibi. Pour ce qui est du suivi environnemental, il y aura la formation d'un comité de suivi qui va inclure des citoyens de Malartic. Ce comité sera le plus moins dynamique de la bonne marche du projet, c'est-à-dire qu'il sera informé de tous les résultats des différents suivis environnementaux qui seront réalisés et sera aussi informé des différents correctifs qui seront mis en place pour corriger une situation si celle-ci devient problématique en cours d'opération. Le comité de suivi sera opérationnel pendant tout le cycle de vie du projet et il y a plusieurs programmes qui ont été ciblés dans le cadre de l'étude d'impact, plusieurs programmes de suivi. Les principaux concernent le bruit, la qualité de l'air, les vibrations, l'hydrogéologie, la qualité des eaux et différents aspects reliés au milieu humain. Donc sur ce, je retourne la parole à M. Platy. Donc, vous avez vu l'ampleur du projet, qui dit ampleur, dit également retombée importante. Donc, les chiffres ici proviennent de l'étude de la firme Secor Plastic, une firme qui a fait l'impact économique, les retombées économiques de notre projet. Nous parlons ici d'emplois directs et indirects, 900%. fait à noter ici, ce que j'aimerais souligner, c'est que 80% de ces emplois-là vont être des emplois qui vont être tenus par des gens de la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Si nous ventilons, on parle d'emplois de 380 emplois directs durant la période de construction, 100 emplois indirects, 465 emplois directs pour l'opération de nos installations, et également la firme Secor Tactique évalue à 600 emplois indirects pour faire toujours 600, selon leurs critères. Des travailleurs de construction, ça prend beaucoup de fournisseurs, contrairement à l'opération de mine. Et les investissements totaux pour le Québec représentent 2,5 milliards de dollars tout au long du cycle de vie. 85% de ces sommes-là vont être dépensées au Québec. Le 15% restant, principalement, des équipements qui ne sont pas possibles d'acheter et que c'est des équipements que nous devons acquérir autrement. Donc, dans l'échéancier, donc, si à la fois qu'on pourra avoir l'ensemble de nos autorisations, l'ensemble des permis, notre objectif, et nous serons prêts à exécuter la construction des installations cet été. La mise en service, donc vous voyez, il y a quand même un bon décalage. La mise en service de l'usine de traitement, on parle du premier trimestre, donc janvier 2011, mais avant d'en arriver à une production commerciale, donc ça va nous prendre environ 3 mois, un peu d'ajustement. Donc à la fin du premier trimestre 2011, nous devrions entrer en phase commerciale. Donc, je vous remercie beaucoup de votre attention. Alors, on est rendu à la période des questions, certainement la période la plus active en ce qui vous concerne. Monsieur Lambert est-il là? Monsieur Lambert, vous avez de très beaux ventilateurs. Il serait moyen de les faire fonctionner. Aussi. S'il vous plaît. C'est où? Là? C'est déjà le cœur chaud. Alors, on est rendu à la période des questions. Je vais demander à Mme Loisel peut-être de se joindre aux gens à la table, M. David, M. Fournier aussi. Alors, on va s'entendre sur une façon de procéder pour être sûr que tout le monde soit satisfait de cette période de questions. Pendant qu'on se fait ça, je voudrais aussi vous rappeler que vous avez il reste des places, là? Il en reste 4-5 encore? On me voit très bien. Mon profil est très bon de ce côté-là. Je me suis... Ah oui, vous avez sur vos sièges de la documentation, vous avez des documents lila. Outre le fait que c'est une excellente couleur, c'est aussi la façon que vous avez de nous donner l'information sur ce que vous avez pensé de la soirée. Et si on veut s'améliorer, on a besoin de faire une formation de sens. Aussi, à l'arrière, Julie a des formulaires pour les personnes qui seraient intéressées à recevoir toute la documentation. Toute l'information sur les sites qui sont apportés à cette séance-ci. Il faut que vous soyez inscrits dans notre liste d'envoi. On a ce qu'il faut pour pouvoir vous inscrire. Aussi, pour la période de questions, tous les médias sont présents. Je vais vous demander d'être très attentif à ce que les gens vont vous dire au micro. Pas juste au niveau du contenu, mais sur le fait que bien des personnes ne souhaitent pas se retrouver dans vos médias. C'est leur droit le plus total. Alors, par contre, vous, si vous allez venir au micro, je vous demande d'indiquer, moi, je ne veux pas être photographié, moi je ne veux pas quelques films pendant que je pose ma question. Je demanderai évidemment aux médias de respecter ça. Une autre information aussi, et non la moindre. Nous avons aujourd'hui reçu une lettre de la ministre nous disant qu'il va y avoir une audience publique qui va se tenir le 2 mars. Il y a eu une demande d'audience publique avec trois signataires qui a été déposée le 26 janvier, c'est-à-dire la première journée de ce mandat-ci. Évidemment, les trois signataires, je vais vous les nommer. Il s'agit de la Corporation minière Cisco, la municipalité de Malartic et le groupe de consultation de la communauté. Par contre, ce que je vous ai dit tout à l'heure vaut toujours. Il est très important que vous acheminiez des demandes d'audience publique, si vous aviez l'intention de le faire, et tout ça pour être certain que la commission puisse s'organiser pour avoir les personnes ressources qui vont répondre à vos questions ou à vos préoccupations. Évidemment, attendez pas le 12 mars, l'audience commence le 2. Alors, le plus rapidement sera le mieux. Aussi, dernière petite annonce, j'ai oublié de faire en début de séance, mais je voulais souhaiter bonsoir aussi aux internautes, puisque nous sommes en web diffusion depuis le début de cette séance-ci et jusqu'à la fin des périodes de questions. Alors, les gens qui sont loin et qui nous écoutent, bonsoir. Avant de vous souhaiter de vous indiquer que vous pouvez prendre le micro, on va s'entendre sur une certaine façon de procéder. Évidemment, pour une question, je vous demande de vous rendre au micro. C'est certain que c'est pour, d'une part, que tout le monde comprenne, mais aussi pour que ça puisse aller en web diffusion, il faut passer par le micro. Aussi, je vous demande de vous identifier. Ça semble simple, mais votre prénom me suffit. C'est pour que ce soit plus facile pour moi de vous adresser la parole. Le fait que vous veniez au micro, vous identifiez, peut-être que... il y aura plusieurs personnes à un moment donné. Alors moi, ce que je vous dis, c'est que vous avez droit à des deux questions. Pas de préambule, pas de long... élaborez pas trop. On veut poser des questions. On sait qu'on va dans notre audience. Alors, on veut connaître vos préoccupations, mais on ne veut pas connaître votre opinion. Alors, on pose des questions en ce sens-là. Si jamais il y a personne à l'arrière de vous, vous pourrez continuer à en poser, mais dès qu'il y aura quelqu'un, ben, on faut que le plus grand nombre de personnes puissent prendre la parole. Vous reviendrez autant de fois que vous voulez. On est ici pour veiller tard, s'il le faut. Je vous demande de m'adresser les questions, simplement pour être certain que je m'assure d'abord que je les saisis bien et savoir à qui s'adresse la question. C'est certain que votre ministère s'en va pour la corporation Cisco ou Génivard. Ils vont se diviser des questions. Je sais qu'il y a quelques spécialistes dans la salle aussi, mais toute l'équipe n'est pas nécessairement là. Alors, on ne pourra peut-être pas aller très, très pointu, mais on va aller jusqu'où on pourra aller ce soir. Alors, je vous donne la parole. Qui va casser la glace? Bonsoir, monsieur. Bonsoir, M. Jacob. Bonsoir, M. Jacob. Concernant si les audiences publiques vont être possibles, que des gens d'expérience puissent participer par vidéoconférence? Je vous dirais que dans la panoplie d'outils qu'on a, tout est vraiment possible, sauf que c'est la commission qui va faire, qui n'est pas formée encore, soit dit en passant, qui va décider de ça. Mais je vous invite à connaître quand même cette préoccupation-là là, majeure. Vidéoconférence, je ne sais pas, téléphonique peut-être. Il faut voir, là, la technologie est rendue des fois beaucoup plus loin que les outils que qu'on peut utiliser. Donc, juste une autre question encore, c'est qui le plus identifiant pour le grand président en bas? Le grand président, c'est M. Pierre Renaud. D'accord. Quelle drôle de question. Bonsoir. ce moment-là. Oui, bon. Mon nom, c'est Bertrand Lassard. Je suis un artiste, bien sûr. Ça ne me rend pas d'exposé. Ça pourrait être sur exposé aussi. Je n'aurais pas pu être négatif. Voilà, j'aurais une question. Pour mes réponses, j'ai une inquiétude face à la suite de Jean Cardo. Mon frère, là, comment vous avez appelé ça, là? Le mur, la bande écran. Moi, la question que je me pose, je trouve qu'il y a des gravières, des vitres de gravières. Non, il y a de l'eau qui coule. La mine, je sais qu'ils ont pris de la gravelle depuis autour. Et là, je me demande avec toi, ça va être possible, de quoi va être construit le côté brut de cette façon. Le côté qui va pouvoir être revérité. Mais c'est clair que nous, l'objectif est de le rendre le plus beau possible. Donc, c'est certain qu'on ne peut pas se mentir, que je ne pourrais pas nécessairement apprendre seulement que le top soil qui est présent sur le site devrait incorporer possiblement du compost, de la terre noire, un mélange de terreaux pour pouvoir avoir un bon rendu visuel parce qu'on veut que la butte devienne le plus rapidement possible. Donc, c'est clair qu'on ne pourra pas mettre n'importe quoi et de la manière qu'on a calculé les ventes, on le fait de manière à ce que ça finisse. Et nous avons discuté avec les gens de l'inspection pour parler de drainage également pour ce but. Pour éviter qu'on peut aménager une petite place. Pas tellement intéressé pour jouer du vélo. J'ai eu la dernière affaire pour vous utiliser l'inspection. Donc, aussi, on a été pris en considération. Ouais, en fait, ma question, c'est que les matériaux que vous allez prendre, oui. Dans le cas de gravel, c'est un peu chanceux de la terre. C'est quand c'est de la gravel, en fait, je ne sais pas comment on fait ça. Mettre la touche, c'est calme. Est-ce que vous allez prendre des matériaux comme les arbres? Est-ce que vous allez mettre du bois? Ça tient de la vieille vache? C'est juste voir de quoi ça va être constitué. Parce que là, vous me parlez, c'est sûr, vous allez prendre le terrain normalement. Mais au niveau des gravières, je me demande, est-ce que vous allez aller en bon québécois gosser là-dedans? On n'a pas besoin. Présentement, nous avons sur notre territoire où nous allons avoir à décaper, nous avons 7,5 millions de mètres cubes de matériaux. Donc, nous n'avons pas besoin d'aller les jouer dans les dont la gravière pour connaître. Et en passant, nous avons mentionné aux gens, aux entrepreneurs, que c'était pas un bon endroit pour aller chercher du matériel. C'est pour ça que nous avons ouvert des propres bancs de gravier, plus au sud, pour avoir différents agrégats pour la construction des dans le cadre du parc à de la fermeture du parc à si je reviens du côté de la butte des grains, nous allons utiliser le matériel de décapage, donc le matériel qui est en place. Donc, ça ne donne rien d'aller chercher le matériel au yard au vert, comme on dit, lorsqu'on en a dans le cours en arrière. Merci beaucoup. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Monsieur, j'ai une mort. En fait, il y a une considération d'éloignement qui rentre en ligne de compte pour cet aspect-là, considérant que la pause est à proximité du milieu urbain de Malartic. De l'autre côté, tous les modèles qu'on a réalisés, les situations qu'on a réalisées jusqu'à maintenant, on est en deçà des normes au niveau du système. La situation du système, c'est pris en compte dans les modèles. C'est beaucoup. monsieur. Bonsoir, je m'appelle Rousseau, et je suis un inspecteur. Et je n'ai pas besoin d'une réponse à ma question immédiatement ce soir, parce que ça demande des études. Ma question est la suivante. Vers le 31 décembre 1975, la oui, ville de Manhattan... Oui, vous devancez un peu, je signe qu'on ne comprend pas l'arrière. Vers le 31 décembre 1975, la ville de Manhattan s'est vue privée d'eau par le gel d'une conduite. Et on a été obligé de jeter dans les tuyaux de l'eau jaune. Ça, c'est pas un problème. Là, les gens l'ont enduré et ont été chercher de la bonne eau au vide. Sauf que maintenant, on s'est aperçu dans ce temps-là que le moulin de la Isle Malartic consommait à plus de 200 000 gallons d'eau par jour. C'était un moulin d'une capacité de 2000 tonnes par jour. La question, c'est combien ça va prendre de milliers de gallons d'eau par jour pour faire fonctionner un moulin de 55 000 tonnes. Et on a dit tantôt qu'on arroserait partout pour pas qu'il y ait de poussière. Ça va prendre de l'eau. Est-ce que cette eau va être prise dans les lacs environnants ou dans à même l'eau potable de Malartic? C'est ma question. OK. On n'a pas besoin d'une réponse. Non, on peut peut-être commencer à aborder. C'est quoi la réponse? On pourrait commencer à aborder et le sujet va être traité en profondeur lors des séances. Et je peux vous dire immédiatement que la raison pour laquelle nous avons utilisé le bassin politique. Le bassin de polissage aura une capacité de distribution d'inclus d'eau. Le bassin de polissage a été vraiment placé à la fin du bassin versant. Donc, pour récupérer l'ensemble des eaux de puits, des eaux de ruissellement et des eaux de proximité pouvant se sortir des risques. Cette eau-là va être ramenée à la ville. Donc, je veux vous poser, vous affirmez que la seule consommation d'eau avec l'eau municipale, ce sera pour l'eau potable pour nos gens. Que les travailleurs puissent boire de l'eau potable et non de l'eau en cru. On a décidé avec les gens de la ville de allonger, donc faire une ligne publicité pour alimenter les employés en eau potable. On parle surtout d'eau de proximité. L'eau de proximité sera utilisée, nous allons récupérer l'eau. Le fait d'avoir été pour les résidus d'ici est rentré dans l'équation au départ pour la sélection de cette technologie. Elle permet d'explorer l'eau. On parle d'un résidu qui va être à 78% solide. Habituellement, c'est un résidu qui peut avoir 50% solide. Donc, on va tout de suite recycler cette eau-là à l'usine, donc on n'aura pas besoin d'aller la prêter, on va la recycler. Donc, on va pouvoir vous donner le bilan complet, présentation complète sur le sujet, mais c'est déjà, je peux vous dire que l'anglicisme et le commitment qu'on a fait, c'est qu'on ne voulait pas utiliser l'eau de municipalité pour l'eau de proximité, mais on voulait éviter que les gens soient pris à boire de l'eau en proximité. Mais à tout hasard, la question demeure aussi au niveau du nombre. C'est combien il faut l'utiliser? Je pense que ce qu'il dit, c'est que dans le fond, ils vont revenir à l'audience pour poser la question. Alors, c'est pas faire d'avoir la réponse ce soir-là, mais... Nous avons le bilan d'eau, on pourrait vous revenir le bilan d'eau, j'ai pas de problème. Est-ce que c'est long à chercher ou... OK. Alors, on revient ultérieurement sur votre question. Si jamais la réponse ne satisfait pas, c'est une question que vous pouvez revenir poser en audience aussi. D'accord. Oui, monsieur. Mon nom est... Tantôt, on parlait de l'aspect économique. des retombées économiques. Moi, j'ai un aspect qui m'inquiète beaucoup, la fiscalité économique. Présentement, on sait que il y a plus de la lumière aussi pour un dépôt de 20 millions en fiscalité économique qui sont droits d'exploitation avant d'installer une ligne électrique qui n'alimente pas le moulin de la lumière. Moi, je trouve que cette position-là, là, c'est tout à fait louable. Ça serait correct. Sauf que la question que je me pose, c'est pourquoi la municipalité ne peut pas exiger des dépôts d'argent en fidéophonie au cas où la lumière ne sortirait pas. Parce qu'on resterait avec le nouveau quartier qui n'est pas terminé. Écoutez, il n'y a personne de la municipalité qui peut nous répondre ici ce soir. Mais c'est une excellente question à apporter lors de l'audience. Je sais que la municipalité sera certainement incitée à participer. Alors, je ne peux pas vous donner de réponse comme ça. Je ne peux pas vous en donner une à l'avant non plus ce soir. Je pense pas que c'est juste la municipalité qui peut vous répondre à ça. C'est peut-être tout pour ça. OK. Mais quand vous dites, c'est parce que vous avez fini en posant la question, en disant, je ne comprends pas qu'une municipalité ne puisse pas exiger ça. Oui, ça ne comprend pas. En raison de? La loi limite. OK. Mais qui à la salle pourrait répondre à la question, selon vous? Ben moi, ce que j'ai entendu, c'est qu'on peut venir pour poser des questions. Que le BAP va s'occuper, à un moment donné, de faire venir des personnes pour répondre aux questions, ou modifier les choses. En audience? En audience. Mais pas en séance d'information. Non, c'est correct, mais la pose est correcte. Ouais. J'avais entendu, là. OK. Oui. Ma prochaine, c'est une question qui s'adresse à M. Tourny, au Tribunal. Je vais m'expliquer mes réponses. J'ai lu votre question qui a été posée au bureau municipal. Moi, j'ai une question sur l'importance des sommets. Moi, là, j'ai bien vu en tout temps le document parler de l'importance des sols. On parle d'une analyse des sols, il y a eu 20 coups de forêt, là, 20 ou 24, ça. Le genre de sol à qu'on avait à faire. Mais moi, ma question, c'est sur l'importance des sols. Parce qu'il y a aussi des sols argileux, là, quand il y en a participé à la nature. Puis, je sais que c'est fait par un ingénieur en géotechnique. J'ai pas vu personne mentionner de sol long dans l'étude. Puis moi, je trouve que c'est important parce qu'il y a des mesures à prendre. Moi, je suis un expert là-dedans. Mais j'ai des mesures à prendre quand on fait des fondations. Monsieur Fournier, monsieur Dabré, c'est votre question. Moi, j'ai vraiment la question de savoir de quel endroit. Au niveau quartier. Au niveau du quartier résidentiel, l'ensemble des périodes étaient attribués et ce facteur a été considéré. Donc, si les sols n'avaient pas eu des bonnes capacités portantes, le quartier n'en fait pas. Je pense que ça demande à savoir qui a considéré. Ben, moi, quand j'ai lu les sites, j'ai même les noms ici de ceux qui sont participés à les sites. On ne trouve aucun ingénieur géotechnique qui n'a aucune étude de peut-être l'importance des sols. Sur l'analyse des sols, oui, mais pas sur l'importance des sols. Au niveau de la relocalisation, dans le secteur, vous parlez du secteur mental. Je parle de ce qui a pu être le consommateur d'immobilier. C'est certain que vous ne pourrez pas ce document-là. Je ne fais pas partie de ce spectacle qui vient de faire. Ce quartier-là n'était pas situé dans le dossier de l'étude d'impact environnemental. Ce quartier-là a obtenu l'ensemble de ses permis, l'ensemble de ses CA, dans le cadre de demandes de CA qui ont été effectuées. Donc, les analyses qui sont faites à ce moment-là, donc c'est normal que vous ne trouviez pas pour le quartier-là, le secteur du promoteur, la capacité portante des sols. Je peux vous dire qu'il y a eu pour des tests pour le CPE, pour respecter la capacité portante du CPE, parce que c'est un gros bâtiment. Le bâtiment sur les pieds. Donc, qu'est-ce qui nous aurait pu nous inciter à le mettre les pieds pendant qu'il allait travailler des temps? Mais peut-être juste avant de consulter, moi je demanderais peut-être au ministère de l'Environnement à savoir pourquoi cette partie-là qui est un impact du projet, une répercussion. Comment ça se fait que tu ne reçois pas ça dans les documents? Le projet qui est inscrit à l'étude d'impact, c'est le projet 2000. Donc, toute la partie qui est au-dessus de la science verte, le projet de SMOTE, pour donner notre indépendant, on a suivi l'extraction, on a suivi le traitement numérique. Toute la partie, le relocalisation, c'est passé sur les enfants privés, entre un promoteur privé et des gens, le ministère de l'Environnement, développement durable dans le climat et pas partie à ça. Par contre, on a dit au promoteur que forcément, cette relocalisation-là, c'est un des impacts du projet. C'est pas partie du projet comme tel. Il n'y avait pas besoin de le financer. Je me parlais de cette place importante de ça, mais des choses comme ça dans l'étude d'impact. Par contre, c'est qu'il regarde un document l'impact de la relocalisation parce que c'est un des impacts du projet. C'est probablement un des impacts les plus importants du projet. Quand on entend parler du projet de l'article, quand je dis, ah oui, le projet où est-ce qu'il y a eu la relocalisation de 180 ans, il va y avoir, mais ça ne fait pas partie du projet. Ils sont tellement beaucoup d'autorisations pour des achats de crédit agricole. Les autorisations qui ont été données par le ministère en région, c'est pour les attitudes, les victimes dont il y avait besoin pour le niveau de terrain. Non, ça, je suis très au courant, là. Moi, la question, c'est sur l'importance des sols. Je ne comprends pas que M. Plumard ne réponde pas à ça. Parce que dans leur étude, ils parlent du nouveau quartier. En tout cas, moi, j'ai rien vu là-dessus. Il y a moins qu'il y ait quelque chose de quoi. Si tu veux me répondre, me restituer, c'est pas facile. Ben, en fait, c'est, je vais rejoindre ce que M. David mentionnait tantôt, c'est que toute la question des analyses de sol pour le nouveau quartier, ça a été fait dans le cadre des demandes d'autorisation en partie de l'article 42 et 32 de la loi sur le l'environnement, lesquelles ont été déposées à la région, au bureau régional du ministère du Département de l'Environnement et des États. Donc, ça n'a pas été traité, comme M. David l'a mentionné, dans le cadre du rapport, mais c'est sûr qu'il y a eu des analyses de notre firme était partie prenante de ces demandes d'autorisation-là. Il y a eu des analyses de fait, mais spécifiquement pour les demandes d'autorisation du parti. Vous ne retrouverez pas ça dans le document du rapport de tout l'État du projet minier. Comme ça, si je comprends bien, il y a une étude qui a été faite là-dessus. Différentes études, ça peut être la contamination, la portance. Mademoiselle parlait tantôt de la capacité des réseaux d'égouts avec deux. Tous ces demandes-là de population ont été déposées au ministère. Il y a une étude sur la portance et tout ça. Là, faudrait, écoutez, je vais vérifier, puis on va vous revenir sur cet aspect-là, sur qu'est-ce que la question des sols, comment ça a été documenté. Parce que moi, qui suis occupé de ce projet-là, là, donc je peux vérifier, puis on reviendra sur cette personne. Je pense que Mme Bourgage, on a l'information sur la question de la consommation. On sait, Donc, c'est le document de la firme Golder qui remet nos gens qui ont fait l'hydrogéologie, la page 5-23 de l'étude d'impact. Le volume d'eau requis pour les calculs pour l'opération de l'usine de traitement de minerais serait de 9,45 millions de mètres cubes et l'eau disponible basée sur les calculs du prix minerais est de 12,1 millions de mètres cubes d'eau. Donc, c'est pour ce qui parle du volume disponible de 12,1 millions de mètres cubes d'eau, c'est strictement dans ce bassin qui est là. Donc, le petit bassin qu'on appelle le petit bassin du mais encore une fois, on apportera des détails sur le document. Oui, madame. On nous demande de parler plus fort dans les micros sur la web diffusion. Mon nom, c'est Annette Elliott. Moi, c'est concernant l'aménagement du parc à réplique. Vous allez recouvrir d'une membrane de produits pas abîmés de l'ancienne mine. Et déposer des résidus en disant qu'ils ne sont pas contaminés. Est-ce qu'il pourrait quand même avoir des écoulements d'eau de drainage minier actifs, mais des écoulements d'eau actifs, ou des drainages neutres, qui est de l'eau sale et non active? ou bien est-ce que ces sous sortent la pelle très forte, sans danger de contaminants, comme le cyanure, l'arsenic, le mercure, pouvant contaminer nos nappes phréatiques et nos pourtours, qui sont à proximité. Juste qu'on sait que les contaminants sont utilisés pour extraire l'or des résidus. Avez-vous prévu des mesures pour vous assurer que de tels déversements n'arrivent pas tout au long de la durée de la mine? D'accord. Donc, pour répondre à votre question, lorsque nous avons imaginé et pensé et établi sur le projet, la première des choses qui a embarqué était l'usine de détoxification. Donc, ce que je mentionnais tout à l'heure, c'est pas usuel. Nous avons pris les devants pour que l'usine de détoxification soit installée à l'intérieur de l'usine. Donc, avant que l'usine soit déposée dans le parc à l'usine, ils seront détoxifiés. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que d'avoir un système, ce qu'on appelle le système compilox, qui est bien documenté dans l'étude d'impact, le processus compilox est là pour éliminer les cyanures avant d'aller au parc. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, du côté de nos résidus, nos résidus ne sont pas générateurs. Donc, pour Qu'est-ce que font les résidus générateurs acides dans le site de la Isle-Marie? Tout simplement, ces résidus-là, qui étaient problématiques, proviennent d'ailleurs, proviennent d'exploitation de la piscine, proviennent de la doyon. Donc, c'est des résidus qui ont été traités à l'usine Isle-Marie, qui ont été déposés dans le parc de l'Isle. Donc, on n'a peut-être pas dû se retrouver là, mais ils sont là. Donc, il ne faudrait peut-être pas faire le parallèle entre résidus présents, générateurs actifs, et nos résidus. Parce que, un bon exemple, c'est que les résidus de la Canadienne Malartic, qui sont là depuis une quarantaine d'années, ne sont pas générateurs. Ce sont des bains, la même roche que nous allons exploiter pour Malartic. Donc, nous employons du cyanure, le cyanure va être détruit, et nous allons avoir une usine de détoxification à vie. Ça me répond à votre question, madame, j'ai pas vu votre question. D'accord. En partie, vous pouvez revenir. Monsieur. Bonsoir, madame. Bonsoir, Michel Robert. La question que je me pose, c'est au sujet de votre, on appelle en anglais un crocheur de climat, c'est-à-dire votre broyeur de pierre. Vous avez l'intention de broyer 55 000 tonnes par jour. Et je me pose la question où va être situé votre broyeur quand vous êtes suffisamment près de la ville pour vous construire ensemble, probablement quelques typiquement. Même si vous nous avez garanti tout à l'heure que vous n'êtes pas sur 40 000 fidèles, ça va sûrement être un truc constant, 365 jours par année, c'est 24 jours. Donc, je pense que c'est important que qu'on construise tout le monde ensemble, ça va être un truc très agressif. Je sais que tu ne peux pas faire autrement, mais tu peux peut-être, ça va être une solution plus différente. Avez-vous, la question c'est, avez-vous pensé à tenter de réduire ce bruit-là en approchant votre procureur? On pourrait emmener l'image du site. Le procureur va être installé. Donc, tout ce que vous voyez, la surface, la première des choses, c'est qu'on en a visité. On a été opérateur dans notre vie antérieure. Et effectivement, c'est quelque chose qui a été considéré. C'est très gros. Ça représente l'équivalent de 6 étages du sol. Donc, la seule extérieure et encore une fois, on a décidé de la recouvrir. Et les panneaux, nous avons orienté le bâtiment pour faire en sorte qu'il ne sera pas dans la que les portes soient dans le sens des vents. Donc, on a pris en considération de ne pas être dans la direction des vents dominants. Ça, c'est la première des choses. On peut recouvrir, trois, faire en sorte que le crocheur soit sous terre. C'est pour ça que dans l'image, où vous voyez le convoyeur de 1,4 km de long, qui apparaît nulle part à un moment donné, il part de sous terre pour atteindre la surface. J'ai une question, la dernière, qui est au niveau de la poussière, des particules fines que vous avez, là. Vous savez qu'il va dégager énormément de particules fines. Et on a déjà eu un problème article, qui est que nos fameux parcs fines, lorsque le plan est dessus, qui recouvrait entièrement la ville avec une espèce de smog. J'ai pensé à ce que de cette ville pour éviter ce problème. Oui, et j'ai été témoin lors de mon entrée chez Rosco d'une tempête du vent du sud. Il faut dire que les substituts de l'enquête canadienne n'ont jamais été recouverts. Le fait de recouvrir de résidus va permettre d'éviter et d'éliminer le problème. Donc, le temps qu'un résidus est sous la responsabilité du MRNF, et ça, c'est quelque chose qui peut rester. Je crois que la solution que nous apportons est la bonne. Qu'est-ce qui fait la différence entre nos deux résidus? Ben, la granulométrie est différente. Le fait aussi que c'est pas un résidu clonés. Donc, des anciens résidus, donc vous avez un résidu où est-ce que vous avez une ségrégation des particules, donc vous avez des fines qui vont se retrouver à la surface, et c'est lors des coups de vent que les fines vont passer. Dans notre cas à nous, les résidus ne sont pas clonés, les résidus épaissis, c'est un amalgame de différentes grosseurs. Donc, je prends un exemple toujours, quelqu'un qui va faire venir un voyage de pierre nette dans son entrée de garage, versus quelqu'un qui va faire venir un voyage de 0,3 quart, ben 0,3 quart, il va se contacter, il va se décider, il va se permettre toujours de rester branlant. C'est un peu l'image de ça. Bonsoir, madame. Bonjour. Moi, mon nom, c'est Myriam Germain-Sylvain, et je donne une flamme à l'article. Moi, mes questions, c'est plus par rapport au développement durable puis au coût de Malartic. Puis, c'est deux questions qui sont pas mal en ligne, fait que j'ai toujours dans une chute. Moi, premièrement, ce que je me demande, c'est que lorsque Malartic, lorsque la mine va se fermer, qu'est-ce que Malartic va devenir, étant donné que ça va sûrement être une ville mono-industrielle, que la 117 va peut-être être contournée. Ensuite, ma deuxième question, c'est est-ce que Tico compte prendre une entente quelconque de développement durable avec la ville de manière à ce que nous ayons au moins deux organismes dans la ville. Deux organismes créatifs pour qu'il y ait dans le fond deux emplois. Ah, deux employeurs, deux entreprises. Okay. Monsieur David, la première, je vais commencer par celle qui nous vient le plus rapidement à la tête. Lorsqu'on a créé le fonds Sport Malartic Hospitaux, ce qu'on avait en tête lorsqu'on l'a créé, ça fait un an qu'il est en marche, c'est justement d'avoir un moyen d'atténuer notre départ. Donc, la manière qu'on l'a conçu en déposant 300 000 actions de SICO, plus les hauts dirigeants ont déposé 25 000 supplémentaires. Donc, l'objectif était de faire plus cet argent-là, dépenser les intérêts. En plus, Hospitaux va continuer à mettre de l'argent. Ils ne sont pas en production et on met l'équivalent de 150 000 $ dans le fonds. On va encourager nos fournisseurs, on va encourager nos banquiers, on va encourager tout le monde à mettre de l'argent dans le fonds espoir d'Antarctique pour, un, essayer de créer, développer des projets locaux, donc parce que 80% des fonds sont bien à la disposition de projets dans l'Arctique. Et lorsque nous allons partir, l'objectif, c'est pas qu'on va avoir. On va avoir un montant suffisant. Les gens qui seront sur le conseil d'administration du groupe des gens de la population vont avoir le loisir au moins d'avoir cet argent-là pour contribuer à investir ou même faire fonctionner les activités communautaires, des activités sociales. Donc, ça, c'est le premier volet de ma réponse. Le deuxième volet, en encourageant l'entrepreneurship local, en essayant toujours d'utiliser des gens locaux, des gens à proximité, quand on encourage, si on le vit par expérience, aimant, on encourage ces gens à se trouver une niche, travailler pour nous, mais travailler pour d'autres. Ce n'est pas la seule opération minière à l'Arctique. Il va possiblement avoir d'autres découvertes aux environs de l'Arctique, un village voisin. Mais l'entrepreneur qui aura grandi avec nous aura plus d'expérience et il va pouvoir travailler pour ces autres exploitations-là parce qu'il part de l'expérience qu'il aura acquise. Donc, ça ne répond pas simplement à votre interrogation et question, mais. On est conscient que nous allons, on a déjà un rôle important, servir avec une fermeture de la Delta, pour le combler, justement qu'avec notre projet de relocalisation et notre projet de fermeture du parc Arctique. On a plus de combler les emplois perdus à la Delta l'été dernier. Donc, on est conscient de notre rôle, on le prend au sérieux et on va continuer à travailler avec la proximité qui va se développer. D'accord, merci. Bonsoir, madame. OK. Cette fois-ci, c'est concernant le mur que vous allez ériger pour contrer le bruit. Avec quel matériau sera-t-il construit? Sera-t-il vraiment efficace tel que vous nous le présentez? Qu'adviendra-t-il de lui lorsque le projet sera terminé et à qui incombera l'entretien pour les années suivant votre départ? Donc, le matériel utilisé sera le matériel en provenance du site. Donc, il va y avoir de la gaz, il va y avoir des agrégats, il va y avoir de ce qu'on appelle le ventilateur qui va être utilisé. Il va y avoir également une couche de terre arabe végétale, une bonne couche de terre organique, parce que nous serons responsables de l'entretien du maintien de cette site. Nous avons modélisé, on a étudié les équipements juridiques à la place à M. Fourmier pour vous expliquer un peu le concept ça se fait ailleurs. Et on a utilisé toute la technologie possible pour pouvoir arriver à ce produit, donc pour pouvoir modéliser un produit comme nous le présentons ce soir. On a une obligation de résultat, vous savez. Et ça, on a déjà formulé dans notre étude d'impact un paquet de suivis que nous allons faire. Et le bruit en est un. Donc, c'est certain que on voit qu'il y a un taux de bruit plus élevé, nous aurons un suivi. Nous n'aurons pas le choix de nos obligations de risque de ça. Et on ne laissera pas le soin à quelqu'un de venir faire un échantillon de saumon à tous les mois. On va avoir des stations en permanence dans la ville de Val-Arctique. Donc, ça, c'est autant bon pour la filière. c'est bon pour les vibrations. On peut répondre plus précisément dans l'obligation et on a pris tous les moyens nécessaires et c'est du matériel qui provient principalement de tous nos territoires. Lorsqu'on, à notre fermeture, écoutez, on peut, si la population nous le demande, on peut regarder à l'enlever, on peut regarder à l'intégrer dans notre plan de fermeture. Je pense qu'on est ouvert là-dessus. On va essayer de le rendre le plus beau possible. C'est une partie théâtre, c'est pas seulement qu'un mur, on veut en faire une petite table, on va en faire des petits. On veut l'habiller. On a déjà rencontré la société d'histoire pour essayer de trouver des idées. Je pense que c'est vraiment un bon lieu pour pouvoir mettre des affiches et des panneaux pour pouvoir commémorer un peu l'histoire de Malartic au travers du musée. À l'arrière du musée, on prévoit, à côté du mur, d'installer une tour d'observation de quelle manière de elle va ressembler à quoi cette tour-là. On n'en est pas là. Et l'objectif, c'est de permettre de donner une assurance supplémentaire au musée. Et c'est aussi de permettre à avoir un seul endroit qui permette si on sur les installations nucléaires, mais seulement que par cette tour. Donc, on n'aura pas le choix d'avoir. Donc, j'essaie de voir, il faudra en parler plus longtemps, mais j'essaie de voir si on enlève le mur et si on garde la tour ou tout ça à intégrer, mais on est ouvert à tout comme en affaire. Ce qui vient d'être expliqué, c'est que ça reste à être déterminé, à savoir même si le mur resterait là. Si les gens disent on n'en veut plus, il faudra peut-être l'enlever aussi, non? Ça n'a pas encore été déterminé, c'est ce que j'en comprends. Oui, madame. Oui, madame Bourdin, juste oui. Pour un compliment, vous voyez, je comprends la question de l'efficacité de la lutte contre l'atténuation sonore. Vous comprendrez que c'est un peu technique, c'est des modèles, c'est des prévisions qui sont réalisées. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir des suivis pour s'ajuster s'il y a des problèmes. Mais néanmoins, selon les prévisions qui sont faites dans l'actuel, quand le projet a commencé, Hospitaux comptait, était conscient de mettre en place un aménagement de la porte du but d'écran avec un plan. Sauf que la hauteur était de 10 mètres, initialement de la butte. Et en faisant des travaux de simulation, de calcul, on n'arrivait pas à respecter la limite sonore fixée par la directive provinciale, qu'on est arrivé à l'augmenter de 5 mètres de hauteur pour arriver à 15 mètres de hauteur. Donc, ça, c'est vraiment un élément d'efficacité. Donc, ça vraiment pour arriver à respecter la norme. Et il faut comprendre que cette bus-là, comme M. David l'a dit, s'articule autour d'une série d'autres mesures d'atténuation, notamment le choix des camions, des fondeuses de petite dimension. Mais c'est sûr que ça, c'est l'aménagement principal qui a pour effet d'atténuer le bruit. Et à titre d'indicatif, dans les autres impacts, on mentionne que s'il n'y avait pas eu une telle bulle d'aménagement, il n'y aurait rien. Les niveaux de décibels seraient de l'ordre de 15 à 20 décibels supérieurs aux premières résistances de la rue de la paix. Donc, ça pour l'oreille, là, c'est un niveau de perception qui est quadruplé, 4 fois supérieur. Donc, c'est pour ça que, selon ce qu'on a actuellement comme prévision, la butte a là, un effet significatif pour contrer le bruit. Bonsoir, madame. Monsieur le vous parlez de quoi ici, le parc à des issues? Un instant, parce que je n'entends pas. Vous parlez de bonifier le parc à résidus. Principalement, les solides, les quatre on s'éloigne, les piquines. Alors, qu'est-ce que si vous mettez du béton cassé, vous mettez du solide dessus, actuellement, il y a les piquines plus loin. Vous vous allez faire quoi? C'est la raison principale pourquoi nous devons construire le bassin sanitaire. Le bassin sanitaire était un projet que Barrick avait dans ses cartons il y a plusieurs années. Donc, le tendon d'Achille, ce projet, c'était la capacité de justement gérer ses eaux. Donc, en mettant un nouveau bassin sanitaire, ça va nous permettre de drainer les superficies que vous parlez. Effectivement, il y a des secteurs où il y a de l'eau et ça va permettre de drainer ces superficies-là et nous permettre de mettre nos vitres dans le pays. Donc, ça a été une considération. Vous allez avoir des piliers toujours qui vont contenir tout ça. Moi, je sais pas, mon nom. D'avoir des piliers pour bien contenir tout ce que vous voulez. On n'a pas de piliers, ça va être placé sur les résidus actuels. Il n'y aura pas de piliers. Parlez plus fort, madame, on n'entend pas à l'arrière. Ça ne sera pas comme du jaloux, là. Non, On ne sait pas. C'est ce travail de travaux qu'il fallait faire. Il n'y a pas de dépendage aussi. Dépendage? C'est dans la pour se dire, là, j'ai bien fait l'expliquer. Il n'y a pas de danger qui se canale dans la nature. Non. Et là, on va avoir une présentation particulière par la firme Gauder. Qui travaille sur d'autres projets de visibilité ailleurs. Et nous avons une présentation dans le cadre du DAP qui va traiter spécifiquement. Je pense que vous allez avoir la réponse plus technique et une visuelle pour répondre à votre question. Merci. Rebonsoir. Bonne mémoire, vous. Voilà, je voudrais dire, Mme Loisel, elle se fait de la région. Non, je lance ça là, elle est toute la région. Tantôt, vous avez parlé, on va récupérer notre mort terrain dans notre but. Là, ça, ça va bien, là. Tu sais, monsieur, ils vont gâter par ici, là. Mais ça, c'est tout ce temps-là qu'ils sont rendus durs. Ils ont été à plus de 20, 25 millions retapés, tu sais. Ils marchent plus régulièrement avec plein de légumineux. Là, c'est très beau, tu sais. Mais là, ce mort terrain-là, vous allez lui redonner une deuxième vie. Est-ce que ça va être dans le temps de tour, là, dans ou bien, qu'est-ce que ça va faire? Ça contient de l'or et de l'argent à l'humain. Pour répondre à votre dernière question, on ne le passera pas dans le business, ça je vous le dis tout de suite. Il est hors de question que vous utilisez les résidus miniers pour construire le minerai. Et ça, c'est certain. Donc, lorsque, je ne sais pas si on pourrait remonter un peu l'image à l'année zéro. Donc, on voit l'étendue un peu du mort terrain que nous devons enlever au-dessus de l'ancien. Bon, il n'ira pas chercher du terrain, des sols. On n'a pas besoin d'aller chercher des sols vers les parcs à résidus. On en a 7,5 millions. Juste gérer ce mort terrain-là, on ne prend pas des résidus qu'on va aller chercher du côté du pays. Même ceux du côté de la canadienne de l'Arctique, il y a hors de question qu'on peut utiliser des résidus de un, pour une facilité physique, et de deux, pour passer avec ces plantes. Moi, ça va me dire de ces vidéos de temps-là, parce que vous dites que notre pause va être là, puis bon, ça veut dire utiliser, mais vraiment, votre pause, c'est pas vrai, vous les cassez, c'est pas ce temps-là. Oui. Ben oui. suis un président de mon article. Je marche plein temps bien en arrière de la roue, je suis déjà dans le temps. C'est la plante, ça peut être votre trou, ça c'est pas la peau, ça va. Je vais pas poser les mots, là, mais, non, non, mais je vais vous dire, où est-ce que ça va aller, cette dame-là? C'est pas une question. Non, non, on le prend en considération. Vous dites, là, passez pas. Il y a eu un projet, la Manitou, pas le projet monique, on va passer toute la semaine, on fait le temps-faire, en tout cas, jeu de mots, là. Mais, je sais pas, là, il y en a qui sont morts terrain là-dedans, là. Qu'est-ce qui va devenir ce sujet sur la suite de ma question? Parce que je vais planer dans l'eau. Et tout ce qui concerne le bord terrain pour avoir quoi que ce soit, si un contaminant qu'on doit rencontrer, si jamais on voit un bord terrain, où est-ce que vous voyez, c'est un ancien résidu. Certains qui s'apprennent la direction du parc à ski. Comme on l'a fait, là, à côté de la cellule, il y avait eu des débordements par le passé, je ne sais pas. On avait à améliorer le réseau de drainage, on avait à améliorer le réseau de ski dans ce secteur-là. Qu'est-ce qu'on a fait? On a simplement repris ces petits-là et on est allé les porter directement dans le temps. Donc, c'est certain que ces petits-là vont se retrouver dans un parc et ne seront pas plus petits pour ce chemin. Là, vous m'avez marqué. Ils s'en vont dans un sens, qu'est-ce qu'ils vont passer par la cuisine de décombinement? Non, on va les placer et on va les caper avec nos pistes. Ces résidus-là ne seront pas traités ici. Merci beaucoup. Là, Mme Loisel, c'est ça, mes cuisines que je vous envoyais, c'est juste parce qu'il y a des vieilles stances. Il y a le bassin qu'on appelle, je ne sais pas si c'est non moderne, mais ça, mais pour vulgariser, le slam qui est folle. Madame, en arrière de moi, c'est une dame qui est là, elle a raison. J'ai failli perdre mon chien dans cette boîte-là, mon mari, qui s'est calé tout de suite sur le chien. C'est émouvant. C'est votre chien qui vous a sauvé? Sinon, c'est très émouvant. Le chien est mort. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle toujours Marie-Jacques. Ma question s'adresse encore à vous. Moi, c'est... En 15 et 20 audiences publiques que je participe plusieurs fois sur mon éclairant. C'est la première fois que j'entends parler d'un formateur qui vient d'éclairant pour une audience publique pour son projet. Ça arrive, mais moi, c'est la première fois. Je me pose la question. Là, Mme Beauchamp, elle a déjà accordé l'audience publique. C'est ce que vous m'avez dit. C'est ça. C'est que dans le règlement, il est prévu que pendant la période de 5 jours, s'il y a une demande que le promoteur fait pour accélérer le fait que l'audience publique puisse se tenir plus rapidement, il est possible que l'audience publique tienne à son 31e jour. Autrement dit, c'est une passe-passe pour accélérer le processus. C'est ça, mal quoi. C'est-à-dire que si on est certain que ça va en audience, c'est, ben, j'extrape pas, là, je voudrais quand même pas. Non, c'est mais moi, c'est madame, Jacques-Marc, j'extrape pas, je veux pas mettre à la place de la ministre non plus. À partir du moment où c'est dans le règlement, c'est pour effectivement, si jamais on est certain que les projets s'en vont en audience publique, ben, c'est pour accélérer le processus aussi. Mais ça n'enlève rien. C'est pour ça que je dis que c'est important. De faire en sorte que les citoyens continuent à faire leur demande d'audience publique quand même. C'est pas parce que on sait qu'il y a une audience, il faut que ça s'arrête là. C'est pas que je dis, madame, le processus-là, c'est que c'est accéléré, ça donne moins de temps à tout. Ça donne moins de temps à tout le monde ordinaire pour aller lire les documents, parce que c'est pas deux fois plus tard. Hein. Normalement, il y en a au moins 7 plus tard à lire ces affaires-là. Ça fait que si on accélère le processus, on a moins de temps pour les étudier. On arrive aux audiences publiques, moins de temps. Parce que nous, on est un organisme qui a été non lucratif. Je ne pense pas que la ministre est une non lucratif. Ça m'étonnerait. J'ai jamais vu ça. Ce que ça veut dire, c'est ça. C'est que si l'audience publique est annoncée, c'est que le présentant, c'est qu'on accélère le processus. Ça accélère le processus. Qu'est-ce que ça fait pour? De 12 jours, effectivement, ou 13 jours. Parce que juste une deuxième question qui est un petit peu plus... Mais ça, c'est pas une question. Non, je vais vous dire que vous avez été trop large sur le commentaire, il y a deux personnes derrière vous. Okay. C'est une question. C'est une question, parce que ça, je vous pose. Une question environnementale, celle-là. Tantôt, M. Genivard me dit qu'il a pu augmenter la biodiversité. Est-ce que vous m'expliquez un peu quelle biodiversité, la pose de trou, quelle biodiversité doit être augmentée dans ce trou-là, qui va mesurer peut-être 2 km de long par une semaine par le trou lui-même, là. Je ne parle pas de votre péril effet d'écoute. En fait, c'est au niveau global. Quand on regarde le site globalement, on comprend que la fosse, oui, il n'y a pas rien en termes de végétation sur la fosse. Je pense avec les dimensions que vous donnez, exemple. Mais par contre, globalement, sur l'ensemble du site avec la stérile et le parc résidu par rapport à la dimension actuelle où on trouve des dunes canadiennes, puis isme à l'artiste, quand on additionne toutes ces superficies-là, il n'y a pas d'habitat là-dedans actuellement. Il y a des quelques silos déstructurés qu'on voit, mais tout ça ici, là, c'est pratiquement tout dénudé. Donc, si on regarde, quand on calcule les superficies actuelles versus restaurées à la fermeture, ben, on arrive avec un 15e à la fin. Donc, ça veut dire le trou, lui, il va augmenter pour la biodiversité dans le trou. Il est compté dans les superficies. On s'en que c'est la faute. Bon, un annoiement qui va se faire au fil des ans, comme tu l'as dit, de l'expliquer tantôt. Qu'adviendra-t-il de la fosse et de l'eau qui aura là? C'est une de bonne qualité, mais il n'y a pas de... C'est en termes de gain, en termes de espace protégé. Bonsoir, Raymond Bernard. Merci. Ma question, c'est considérant que la rivière Otico va consommer pour près de 25 millions de dollars de carburant par année, y a-t-il lieu de s'inquiéter de retomber de ces gaz sur la ville? Surtout les pays qui naturellement viennent du sud-est ou ouest, et que pendant cette saison estivale, les activités extérieures sont plus fréquentes que l'hiver. Comment la compagnie va pallier à ce problème? Je vais laisser la parole à nos équipes qui ont fait des calculs au niveau des puissances atmosphériques, donc les calculs au niveau de l'objectif qu'on parle de construction. On parle également de matière particulière dans la prochaine. Donc, ce sont des études que les systèmes de l'éducation. Par rapport aux niveaux captures, il n'y a pas de, au niveau des gaz, ce qui a été modélisé, en fait, trouvé, calculé plutôt, n'est pas de dépassement de normes. Dans le diamètre des gaz à effet de serre, c'est ce que je vais mettre à l'idée, c'est d'arriver avec une émission zéro, donc avec de la carbone zéro. Donc, pour contrer les gaz effectivement. Mais les gaz qui vont retomber sur la ville, les gens vont les respirer sur cette terre-là. Oui, ça c'est inclus dans les résultats, dans les analyses qui ont été faites au niveau de la qualité de l'air en matière. Par rapport à la situation actuelle, il n'y a pas de dépassement des normes prévues et des normes applicables. La situation où on était plus près des normes, en fait, sur lesquelles on peut travailler fort en termes d'atténuation, c'est vraiment au niveau des matières particulières, des matières fines ou des particules fines, qu'on appelle dans le jargon les PM2.5, donc de petits diamètres, et qui, elles, peuvent être problématique pour la santé. Bien, merci. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Jacques Saussure, Sommité des Finances de la Nation. Ma question s'adresse à M. David. M. David, lors d'une une présentation antérieure, je vous ai posé la question, à savoir, vous aviez 66 questions à redresser sur le dépôt de votre étude d'impact. Et vous m'aviez répondu que c'était des technicalités, il n'y avait rien de majeur, c'était des termes entre experts qui fallait utiliser. Par contre, l'information qu'on a, c'est qu'il y a encore des questionnements par rapport aux mesures d'urgence, à l'entreposage de produits inflammables. Il y avait aussi des questions au niveau hydrologique par rapport à tout ce réseau d'eau souterrain. Il y a des questions par rapport à l'agence de santé. On a demandé d'avoir davantage de précisions là-dessus, et puis on a vu que ça serait déposé depuis décembre. Est-ce que vous avez des nouvelles là-dessus? Moi, en tout cas, moi, je trouve pas que c'est des technicalités ou des détails techniques. Madame Loisel, dans les réponses, des questions qui ont été posées, ça me fait une question qui reste à compléter. Des questions, si vous avez parlé d'un peu de recevabilité, que le DAP soit en spécificité. Il reste des choses, en effet, des chronos-discours, des engagés à déposer des choses. Par exemple, tout ce qui était l'analyse de risque d'accident, ça a été déposé après le document de réponse, et ça s'est déposé quand même. Analyse de risque à la santé, il nous reste encore un élément que j'attendais fin janvier. On n'a pas su encore, puis tout à fait à la on a décidé de publier la hydrostratégie, puisque le chef de l'étude contient quand même assez peu d'informations, parce que l'information qui parlait là-dedans, c'est d'abord avec trois éléments d'information. Oui, il nous reste encore des réponses. On a encore du temps en avant de nous autres pour aller compliquer les réponses à ces questions-là. Donc, il y a encore votre expertise à aller chercher pour rassurer la population en termes de santé publique. Autant pour rassurer la population en termes de santé publique, probablement, on parle de la réalité de risque à la santé pour le paramètre plus qui est demandé, mais aussi pour nous autres, parce qu'on peut être certain que les droits et règlements sont respectés, que l'eau souterraine va être protégée. On a toujours un petit peu plus, on doit nous répéter, comme on dit justement, on en veut toujours plus, ça c'est ce que David va dire par la pointe, on balaye avec moi. C'est qu'on a toujours un petit peu de plus, on va dire ça. Merci, j'aurais juste une deuxième question. Par rapport à la relocalisation, on n'a jamais compris pourquoi c'était pas lié au projet. Il me semble que c'est un impact majeur sur le... on n'a jamais compris ça parce qu'on nous avait dit à la direction régionale, tout le monde demandait une demande écrite. Si un groupe de citoyens demandait une demande écrite, sans que ça soit perdu, ça pourrait être inscrit dans l'étude d'impact. Puis, en fin de compte, au niveau régional, on. OK. Si vous me dites, demande écrite, sans que ce soit perdu, là, vous parlez à la demande d'audience. Parce que dans la loi, c'est aussi que la demande d'audience, mon avis, c'est de la refuser, c'est des petits problèmes. Non, je m'excuse, c'était pas pour la demande des gens. C'était pour la demande que la relocalisation fasse partie de l'étude d'impact. Bon, vous avez fait des petits impôts, la relocalisation, comme quoi, si on pouvait rencontrer avec le comité suivant, vous l'avez dit, en quoi je pensais le projet, pour lequel vous comptez l'éducation, c'est l'exploitation de la ville. C'est simplement le préféré. On va donner aussi. La loi nous permet de donner des autorisations pour n'importe quoi, pour avoir un impact sur l'environnement. Et un déménagement de maison, on n'a pas d'autorisation à donner. On ne pouvait pas dire aux promoteurs, non, attendez d'avoir votre décret avant de faire ça, vous pouvez commencer maintenant. Qu'on peut faire, ce qu'on lui a demandé, c'est de documenter les impacts de la réputation sur la population. C'est le document. Il y en a, je pense que c'est ce type de l'étude d'impact qui est assez bien. Alors, pour moi, j'en ai pas mal d'informations là-dedans. Là. Il y a quelqu'un chez nous qui est sociologue, qui regarde les études d'impact, mais qui est particulièrement bien entendu à cette situation-là. C'est l'étude d'impact qui est vraiment relativement complexe. On dit que c'est question, on va peut-être en poser d'autres à un moment donné, mais on regarde ça aussi. Je vais juste souligner que ce point-là va revenir. On va réquisitionner lors des deux. Merci beaucoup. Moi, tantôt, je voulais juste les critiques j'ai bien compris. Donc, il va y avoir une audience le 2 mars. Okay. La première partie commence le 2 mars. OK. Le délai pour faire une demande d'audience, est-ce que c'est le même? Est-ce que c'est à partir du 26 janvier qu'on continue en 5 jours? C'est un peu comme je disais tout à l'heure. Si vous envoyez votre demande d'audience au 45e jour, le 12 mars, ça ne vaut pas la peine, non? Non, non, mais c'est juste pour moi, ça demeure le 12 mars. Oui, ça demeure le 12 mars, mais si on veut qu'elle soit utile pour la commission, il faut qu'elle rentre rapidement. Oui, oui, oui. OK. Moi, si j'avais une question, que le fonds, si l'on fait, puis, quelle date j'avais eu vraiment de réponse là-dessus? Peut-être qu'il va avoir un petit point. Essayez-vous. Okay. Le minière hôpital a acheté le terrain numéro 2, 3, 4, le bon de l'article dans le but de faire son projet de relocalisation. Moi, j'avais déjà demandé qu'il y avait eu une étude de test de la contamination des sols. Parce qu'on sait que ce truc-là existe depuis les années 60. Et à l'époque, on entendait un peu n'importe quel genre d'engrais, mais on le sait parce que là, il y a eu des nouvelles normes des pesticides pour les sous-sols. Moi, je me demandais s'il y avait eu une étude de test, soit des conditions là, sur la contamination des sols, pas l'analyse, la contamination des sols. D'accord. C'est clair? Je vais vous faire un peu la même réponse que tantôt, mais vérifier cet aspect-là. Ce qui est important, là, je vais garder le sujet, c'est que c'est des demandes qui ont déjà été adressées au ministère de l'Environnement. Il y a eu les autorisations de données pour procéder aux travaux concernant la relation. Mais pour tout ce qui s'appelle analyse de sol, c'est sûr que normalement, quand on prend l'article 32 de la bande d'autorisation, l'article 32 pour mettre en place des services municipaux dans un secteur, l'analyse de risque de contamination fait partie intégrante de la demande d'autorisation. À ce moment-là, je ne sais pas si le ministère de l'Environnement peut nous en dire plus que ce serait plus que des faits là-dessus, mais de notre côté, étant donné qu'on était parti de la danse, il y a notre bureau de Val-d'Or à ces demandes-là. Je vais pouvoir venir au même titre que pour ma carrière. OK. Mais c'est peut-être l'occasion à ce moment-là à l'audience publique de demander ces choses-là et qu'elles soient déposées. Je ne m'inquiète pas. C'est que Jacob, il n'y avait personne, non? Bonjour. Bonjour. Sergio Bouchemi. Vous me demandez quel sens va parcourir les ondes de choc dans l'Europe du bouclier canadien pour des charges explosives prévues pour l'opération de Daniel. Monsieur Fournier? Ça reste à être déterminé en fonction des charges qui vont être mises en place. Mais il y a une partie, effectivement, si vous regardez dans l'étude d'impact, en fonction des charges applicables, il y a des distances qui nous donnent des marges sécuritaires pour arriver à respecter le niveau de 12, ce qu'on appelle dans le jargon le niveau de 12,17 mm secondes officielles des particules des zones dans le ciel. Ça, c'est le seuil fixé pour être sécuritaire par rapport au bâtiment et les charges qui vont être déployés lors des travaux de dynamitage vont devoir respecter cette norme-là, donc vont être conditionnés par cette norme-là. Donc, je voudrais compléter que ce travail de présentation spéciale qui va être fait lors des auditions. Au niveau de la technique, ça peut peut-être être mélangeant dans son forage de petite dimension, forage de grande dimension, parce que ça a été pris en considération. Donc, un petit forage, on devrait pas moins mettre de charge explosive, et ça va vous être expliqué lors de la présentation. C'est pour ça qu'on a des petits forages près des maisons pour respecter la norme que vous pouvez mentionner. Et plus on s'éloigne, plus on est en mesure de faire un plus grand forage, c'est toujours à respecter la vitesse de filtration. J'ai expliqué à ma voisine. Oui, c'est pas seulement les fondations des maisons qui m'inquiètent, autant que la propagation de l'onde dans l'eau. On sait qu'à un moment donné, des gens dans l'eau, ça peut se préparer presque intégralement. Le lac Fournière est situé là, très près des opérations. À ce moment-là, je me demande quel impact que ça va avoir sur les populations de dorées. Parce qu'on a quand même des sanctuaires qui sont dans ce lac-là. C'est un lac qui est très poissonneux. Puis, éventuellement, des chocs qui se déplient peuvent altérer éventuellement le comportement du poisson. À ce moment-là, si on a des études de l'espèce, à ce moment-là, ça serait intéressant. Donc, c'est des études de longitudinales qu'on a besoin. C'est pas des études, c'est pas des prévisions, c'est des expériences pour les plus long terme. Est-ce qu'il y a déjà quelque chose qui existe là-dessus? Il va falloir regarder avec nos experts. Au niveau du lac Fournière, je sais que l'ensemble des ondes est un rayon. Hein, donc, on rencontre n'importe quoi, un lac, un bâtiment, quoi que ce soit. L'analyse a été faite sur un rayon. Donc, on va faire en sorte qu'on... Vos sautages les plus importants vont être ceux qui vont être les plus pertinents. J'aurais une deuxième question qui est de ça, qui est d'un autre ordre. Y a-t-il une possibilité d'autres traits criminels de ce voisin, c'est-à-dire de ces produits de quelques kilomètres? Tantôt, ce que vous nous présentez là comme modèle, c'est réellement du minerai qui est dans cette pose-là. Mais vous avez dit aussi que vous avez un très grand territoire. Si vous découvrez du potentiel un peu ailleurs ou à quelques kilomètres, ça va sûrement être tentant d'arriver de faire ça à la même usine. Mais là, à ce moment-là, quel pourcentage de soutien est-ce que vous êtes gardé? Parce que si jamais on arrive, qu'on trouve d'autres usines qui sont intéressantes, qu'on fait en sorte qu'il viendrait là-dessus, il va venir un temps qu'il va atteindre cette limite. Je ne me trompe pas, Denis, qui est là, ici, le 55 qu'il nous donne, on est pas mal à côté avec le 55 qu'il nous donne pour faire d'utiliser cette expression-là. Au sujet des autres que nous avons, par chance, je vais envoyer ce terme-là, que nous découvrons d'autres choses, il va falloir que ces projets-là fassent l'objet d'autorisation et on va falloir repasser au niveau d'un paquet de l'ensemble des processus. À cette époque-là, ben, on aura peut-être évolué avant, on devra passer des étapes. Donc, c'est hypothétique dans le cas, mais c'est hypothétique qu'on aura passé un paquet de tous les étudiants et les étudiants. Juste un instant, quand vous dites à côté, ça veut dire quoi? À côté, à la limite de production. Donc, à 55 000 tonnes, le moulin n'a pas le loisir d'en reprendre d'eau. OK. Parce que si je comprends bien, le permis d'exploitation va être uniquement pour cette promotion-là. Il ne pourrait pas avoir d'autres choses inclus de ce moment-là. Sur autre minerai acteurs dans ce sujet-là. Comme vous l'avez dit tantôt, là, la procédure de l'expiation environnementale sera terminée par un décret du gouvernement dans lequel il va y avoir des conditions. La première condition, c'est toujours que le projet soit réalisé conformément aux documents suivants. Et c'est l'étude d'impact. Alors, si on dit dans l'étude d'impact, on va faire ça, on va le faire à cet endroit, on va le faire à cet endroit. Si ce n'est pas ça, si elle est utilisée, ben là, on commence à falloir utiliser cette obligation. Est-ce le moyen de réouvrir un décret? Il y a moyen de faire des modifications de décret, en effet. Donc, on pourrait faire une modification, aller chercher ailleurs. Cependant, ce type de modification, projet qui est proposé, ça pourrait être une modification de décret ou ça pourrait être une modification de code d'autorisation. Peut-être prolonger. On verra à ce moment-là que c'est ce qu'on va faire. C'est une modification de décret qui est plus de justification de refaire une étude d'impact pour un nouveau projet. On peut aller jusque-là pour faire une modification de décret. si c'est simplement un minerai semblable qui est associé avec des impacts semblables, c'est une simple modification. Des fois, parce que sûrement, en coopération, ça va être la direction régionale, soit que la coopération va commencer, la direction régionale qui va s'organiser, qui va être rendue, la personne va mettre de l'organisation à ce moment-là. S'il y a des choses que vous avez, si bon, ben là, maison, par exemple, au lieu de travailler, moi, je sais pas, au lieu de faire vos sauvetages et puis, je vais le faire avec des cinq. Je m'en remets pas souvent, là. Bon, ben, ils vont demander à la direction régionale si je peux le faire, cette demande, une modification, moi, je suis de l'organisation. Les autres qui ont décidé si ça en a besoin ou non. Quand on commence à toucher au principe du projet, ben là, on regarde la possibilité de modification du décret. C'est pour ça que c'est bien chez l'évaluation de l'entente. Mais si une modification du décret pour aller chercher du minerai ailleurs, c'est pas nécessaire de refaire une étude d'impact et tout ça. Ça dépend de la grosseur de la situation. C'est vraiment, on y va au pas par pas. Okay. Par exemple, il y a un autre gisement qui est prouvé de la même importance. Ils vont faire 30 ans de plus, on va augmenter la capacité de l'organe. Ça répond très bien. C'est pas aussi ce que je connais? Non, parce c'est ça, c'est un gars qui... Monsieur... Le chevalement de Dine, il m'a lâché. Il est pratiquement un bâtiment. C'est parti de l'histoire. Nous, on a vu des questions de la savoir si elle pouvait être conservée. Ça a été des réponses. Malheureusement, j'ai manqué de certaines rencontres. Vous pouvez m'éclairer là-dessus. Vous avez les dernières nouvelles du côté du monument de la Hypnalaptique. Nous avons eu une visite des gens de la CSSC et ils ont mentionné que le bâtiment était dangereux. Lorsque nous avons rencontré la ville, on a dit à la ville, ça va être dangereux, on va mettre un périmètre de sécurité, on va faire en sorte que nos employés ne soient pas exposés à ce danger. Mais ce n'est pas dans notre à courte échéance, ce n'est pas dans nos projets de se mettre à terre immédiatement. Donc, on comprend que ce chevalement-là a une valeur sentimentale, mais comme dans le sens, on va faire, c'est notre grande tour de communication pour vous présentement. Il est là et on va essayer de, tant qu'on n'aura pas à vivre des incidents avec, on va s'assurer qu'il n'y ait pas d'incident dans le périmètre de sécurité, c'est une chose qui est bien faite, mais il est clair pour nous qu'on n'a pas de projet à restaurer il est beaucoup trop usé par le temps pour faire quelque chose avec, et on avait averti la possibilité qu'on ne pouvait pas être en mesure de quoi que ce soit, mais on va essayer de tout préserver depuis longtemps. Depuis longtemps possible, c'est-à-dire que ce qui se faisait. Je pense que vous avez eu la réponse qui est disponible. Monsieur Jacob, vous êtes très élégant et très galant. Ça compte pas pour une question. Bonsoir. Bonsoir. Nicole Thirouat, avocate retraitée, une certaine ressource pour le comité de vigilance de Malartic. Alors, ma première question, c'est pas une question. Oh, c'est une vérification. C'est vraiment un avocat plus tard, hein, c'est comme ça. Alors, je veux savoir les questions qu'on répond ce soir ou les commandes qu'on fait. Est-ce qu'on va être obligé de les redemander le 2 maintenant? Ou si vous acheminez les demandes, on peut expliquer. Nous, on sent là toutes ces occupations. Mais je vous disais que même si on prenait vraiment toutes ces commandes, ça n'a pas valeur, ça n'a pas la même valeur que lorsqu'on les demande en audience. En audience, on parle d'une commission d'enquête et d'audience publique. Ça porte vraiment son nom. C'est tout fait en technique. Ce qui se dit ici ce soir, ça ne se trouve pas dans le rapport. Alors, ce qui se dit durant une audience publique il y a des experts qui vont se retrouver dans leur appartement, ça a beaucoup plus de poids et c'est beaucoup plus officiel. Faire déposer des documents, ça peut être de façon formelle. C'est beau. Donc, comme on vient le faire toujours, j'ai compris, ça, que vous dites que ça commence le 12, de 2 mars. Donc, on vient le faire toujours. Alors, pour tout, je pense qu'on recommande tout de suite ce soir pour que les gens puissent aller faire leurs devoirs comme on demande. Alors, c'est à Mme Loisel que je fais une demande. Est-ce que vous n'avez pas pratiqué en droit l'environnement, ni en droit minier, ni en droit des affaires municipales? Est-ce que vous pouvez demander au contentieux des différents ministères, je vais les énumérer, comment une compagnie minière peut, avant d'avoir obtenu les autorisations de procéder dans son projet, à relocaliser 200 maisons et une partie importante de patrimoine institutionnel d'une ville? D'avoir des réponses à ça. À la ville, on m'a dit qu'il n'y avait pas le choix, mais je ne suis pas certaine de cette réponse-là. Je ne suis pas certaine qu'il y avait un avis juridique là-dessus. Alors, un avis juridique important, puisque c'est un précédent. Et vous savez que beaucoup de villes, d'ici, on est assis sur la faille des cathédrales. Alors, si ça se fait ici aujourd'hui, demain, une autre compagnie pourrait faire la même chose à Val-d'Or, à Cadillac, par exemple, etc. D'où l'importance d'avoir cette réponse-là. C'est une demande. Madame Thérouin, quand on va en audience, comme on va l'être le mois prochain, souvent on va mentionner un document, la commission va se dire où est-ce que vous déposez. Mais ça fait 15 ans que je suis aux évaluations environnementales. C'est une des premières affaires qu'on a commencé, c'est qu'on a jamais un outil juridique parce qu'on ne le déposera jamais. Puis vous avez votre point peut-être mieux que moi, pourquoi, mais qu'est-ce que vous avez des avis juridiques, il y en a. On les dépose, mais on ne les rend pas publics, c'est une interprétation de droit, des jugements aussi, mais pas les avis juridiques. Donc, je regrette, mais j'avance, je peux vous dire, j'ai pas l'impression que vous êtes capable de répondre à votre question de pourquoi c'est pas déposé un avis juridique. Non, c'est déjà cette réunion là-dessus. Et la question, deuxième question qui est rattachée à la première, vous dites que, donc ça fait toute partie du site 24, mais les gens n'hésiteront pas à négocier de gré à gré avec la compagnie, parce qu'il y en a effectivement qui n'ont pas négocié, ils ne se sont pas entendus. Et si on arrive à l'exploitation, parce qu'ils ont tenu sérieux, est-ce que les gens, quand ils vont être rendus devant le tribunal d'expropriation, toute la catégorie des gens qui ont réussi à arrêter de gré à gré, est-ce qu'ils vont faire partie de ce tribunal? Primo, et quand vous savez les coûts que ça coûte pour aller devant le tribunal pour ces gens-là, eux, ils n'ont pas de soucis. Actuellement, il y a des gens qui négocient avec des représentants des coûts qui ne sont pas représentés par la justice. Ce n'est pas les gens qui ont les moyens, c'est-à-dire que ça coûte encore plus d'aller dans le tribunal pour aller faire valoir son point. Est-ce qu'il y a des choses prévues à ce moment-là pour soutenir ces gens-là pour aller se défendre devant le tribunal d'expropriation? Je pense que l'expropriation dont vous parlez, c'est quelque chose qui n'a pas été écrit dans la loi sur les mines, qui est administré par le ministère de la Ressource naturelle de la France. Alors, c'est une question que je pose, puis j'apprécierais que ce soit fouillé, parce que ça va être reposé devant les actes. Parce que des gens qui vont faire ça pas présentement à cause, justement, des statuts que l'amène, que le Osisto a joué, un agent immobilier, qui fait des recettes, tout le monde est quartier. Alors, l'autre, c'est une commande. Ça va être important que cette question-là soit apportée. Absolument. Et si jamais le Code de vigilance fait une demande de démarche, qu'on retrouve ça aussi à l'intérieur. On peut s'assurer le ministère des Ressources naturelles qui sera probablement de toute façon des fonds possibles. Il y a peut-être d'autres ressources qu'il faut identifier pour ce problème-là. serait dommage, ça serait qu'on arrive en audience et que toutes les personnes de ressources desquelles on aurait besoin ne soient pas là, parce qu'on n'aurait pas reçu le signal assez clair. C'est pour ça que ce soir, le thème est comment? Parce que je travaille avec les citoyens depuis plus de 2 ans, et ça passe les préoccupations des problèmes sérieux de certaines personnes. Et l'autre, c'est une commande, qu'on fait à la compagnie Hôpitaux. Est-ce qu'elle peut, pour l'audience de Vantat, nous démontrer des chiffres, des données techniques à l'appui, que le renforcement de la fosse est impossible sur le plan technique et économique? Et est-ce aussi tôt pour nous en faire une démonstration en démo 3D sur le niveau de la fosse technique? Alors, on sait que c'est possible, on sait que c'est faisable, parce que en Californie, si on invente le projet actuel de fosse, c'est illégal. Comme je l'ai dit, dans ces États, c'est obligatoire d'avoir des scénarios de renforcement. Donc, ça se fait, c'est possible. Donc, on aimerait avoir, lors des audiences, des scénarios démontrés et en langage pour que les gens puissent comprendre. Merci. Alors, c'est pris en note votre demande. On est obligé. Monsieur Jacob, je pense que vous avez dit que vous êtes chanceux, vous pouvez avoir d'autres. Mais vous, comment est-ce que c'est un club de golf? C'est un œuf fou ou un petit fou? Vous voyez pour les victimes? Vous pouvez répondre. Vous venez de gâcher vos questions, c'est ça? Pas grave, ça fait un exercice. C'est bon pour moi. Là, c'est le mais. Vous savez, recycler l'eau, en fait, que vous avez utilisé dans votre procédé, vous dites, vous recyclez l'eau, en continu, mais un jour, cette eau-là va être rejetée quelque part, j'imagine que ça va être dans le ruisseau vraiment, jusqu'à là, c'est le faux, plus en bon, juste mesure plus, donc, continue de m'ajuster. Le bilan d'eau démontre un rejet au ruisseau vraiment de 400 000 mètres cubes d'eau. Bon, ce 400 000 mètres cubes d'eau-là, ça, c'est au total durant les 6 ans ou 400 000 mètres cubes d'eau par année, si on compare une exploitation minière ordinaire. L'exploitation minière ordinaire peut déverser son effluent 2,5 millions de mètres cubes d'eau, dépendamment de l'importance. Dans leur ruisseau, Raymond, se jette dans la rivière Pichet, ça n'aura pas d'impact sur la faune aquatique qui est dans cette rivière-là, qui est en train d'essayer de reprendre vie, parce qu'un autre parc aérien s'est fixé dans cette rivière-là, malheureusement, il y a 3 ans, un autre mine s'est installé dans la rivière encore. Peut-être qu'il faudrait peut-être faire attention à cette rivière-là, si on veut toujours avoir un bel présent environnemental, je voudrais juste savoir, c'est 400 000 mètres d'eau par année. Ça va avoir un influence. Chaque année, juste depuis la crue normale des eaux au printemps, c'est tout relevé le tour de cette rivière-là et la transporte des kilomètres au centre du lac de Wen. Même pas le lac de Wen, la rivière Sorte. Présentement, le rejet, il y a du pompage qui se fait, il y a un déversement à l'effluent. Donc, on va utiliser exactement le même effluent. On parle il faudrait vérifier les chiffres, on parle d'environ 1,5 million de mètres cubes par année qui est déjà rejeté par cet effluent-là. Nous, on va réduire ça à 400 000 mètres cubes. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est qu'il va y avoir une unité de traitement pour s'assurer que les eaux, chose qui n'est pas présentement, il va s'assurer que les eaux soient conformes aux critères de rejet que le ministère va nous imposer. Et je peux vous assurer que ces eaux-là vont passer des critères parce qu'on va mettre une usine de traitement au cas que l'eau rencontre un problème. Sur la quantité, pas nécessairement sur la qualité, la qualité, le tout ministère de l'Environnement, on a un problème avec l'eau. Mais c'est sur la quantité Donc, ça va augmenter. Ce que je voudrais savoir, c'est que lors des audiences publiques, on va avoir quelqu'un qui va nous répondre sur la quantité qui va arriver dans la rivière Fichée, si ça ne sera pas levé le gaz résidu qui se trouve dans cette rivière-là. J'ai aucun problème. Et d'ailleurs, on peut dire qu'il y a une augmentation. Il n'y a pas d'augmentation, il y a une diminution. Présentement, il y a 1,5 million de mètres cubes d'eau qui est rejeté. Nous, ça ne sera que 0,4 million de mètres cubes d'eau. Donc, 400 000 mètres cubes d'eau. Donc, c'est moins. Non, ça va. Alors, ce dernier commentaire. Oui. Je me dis le point. Moi, ma question, c'était sur vous présentement, en train de construire une nouvelle école, un centre communautaire qui va comprendre une signification d'adulte. Et on prévoit faire un nouveau CHSP. Moi, ma question, c'était. Pour nous, on va en construire ça, une seulement ça construit, c'est un coût pour X représentants qui ne sont pas aménagés dans le marché économique, c'est mon vie qui est là. C'est pas juste tout, mais bon, ces nouvelles institutions-là ne sont pas économiques. Qu'est-ce qui arrive avec ça? Qui prend ça? C'est ça? Lors d'une rencontre publique, le président en faisait l'annonce que lorsqu'on a démarré le projet de relocalisation, on allait terminer le projet de relocalisation, donc nous allons le continuer et le compléter. Donc, parce que il n'est pas question d'arrêter, et je ne sais pas si vous surprendre dans ma réponse, mais vous avez vu qu'on a obtenu des financements importants. Donc, le projet, nous, la relocalisation va aller de l'avant et se poursuivre en 2009. Et les institutions vont se poursuivre. C'est clair dans notre tête et c'est un engagement que nous avons fait avec la population de l'année. On ne laissera pas des bâtiments là pour adhérer à notre société. Pourquoi vous ne voulez pas déposer d'argent si vous communiquez pour le nouveau coût? Question d'affaires, tout simplement. Donc, nous avons les moyens et il n'y a pas de question de geler de l'argent pour ça pendant que nous sommes en train de faire toutes autres activités. Donc, nous avons toujours réalisé, payé nos gens, effectué des travaux. Nous avons toujours dit, on fait telle chose, on le fait. On avance pas par pas. Et on va continuer de le faire. Il y a des faits, c'est une bonne chose. Merci de votre réponse. J'avais une autre question, si c'est possible. Allez-y. OK. L'école Renault, l'école Saint-Martin, va être démolie. Okay, parce que la bourse, on va se trouver là. Et moi, je trouve curieux depuis plusieurs années, on ne parle jamais de l'église Saint-Martin de Tours. L'école Renault. Moi, je m'interroge. Je me demande comment elle va faire pour rester sur le bord du coup. Il n'y a rien de prévu dans cette église? L'église est là pour rester. Et nous pourrons soumettre l'ensemble de l'information concernant la spécificité du ROC. Le ROC est très compétent. Donc, pour aucune raison, et vous avez le musée qui est encore plus près. Pour aucune raison, nous avions à considérer une relocalisation de l'équipe. Je pense qu'on a été à la demande des gens du côté de la ville. Parce qu'on a rajouté une série de gens relocalisés. Concernant l'église, on n'a aucun projet dans nos cartes. D'accord. Bonsoir. Dans la revue du mois de juillet, l'Union des municipalités recommande que les grands projets comme ça se trouvent versent des montants en forme de redevances. Donc, si en ce moment, l'article s'appuie à la réserve financière de la ville, quand le scoop va partir, ça reste pas tout dans le monde. Pour les générations à venir, c'est des redondances en bas de la communauté qui sont importantes. Ouais, c'est pas... N'est-ce pas, ça fait une belle question, on se bat. Alors, les redevances, M. Maurice. Il est établi que la richesse naturelle appartient à tous les Québécois. Donc, dans notre droit à nous, le projet va rapporter 428 millions au trésor québécois, 278 millions au trésor fédéral. Donc, au niveau de redevance, il n'y a pas, du tout évaluer le potentiel de redevance dans ce projet. Par contre, pour ce que pour malheureux qui ne ressort pas, on a mis en place le fonds restaurant à l'article et qui ne semble pas être considéré. Et pourtant, nous avons été sollicités, nous avons reçu des prix sur ce fonds. Et c'est quelque chose d'unique. Donc, on pense, par l'entretien de ce fonds-là, par l'impact régional, local, on va avoir un très grand soutien financier et un grand soutien de développement. Et on n'a pas du tout l'intention présentement de redépendre ce chemin, étant donné que le décret est acquis, peut-être ou pas que les ressources naturelles peuvent être présentées. Mais les fonds, des fonds de développement, ça va donner combien de centimes à la ville? Comme j'ai mentionné tout à l'heure, nous avons 325 000 actions d'ISCO. Au prix ce matin, on parle de 1,5 million de dollars. Va se bonifier. Les intérêts vont se bonifier. Autour de la place, l'objectif du conseil d'administration, c'est de susciter que veut la philanthropie. Comme je disais tout à l'heure, on a des fournisseurs qu'on va demander à constituer. Nous allons aussi, notre rapport, chaque année, nous déposons des montants dans le fonds état. C'est faire un calcul actuariel, mais on pourrait arriver une demande qui pourrait adresser au fonds état dans l'article, à savoir combien on peut évaluer notre impact. Parce que nous sommes pour ça, nous sommes comme un membre du fonds d'État de l'administration, nous sommes présentement le plus grand pourvoyeur de fonds de ce fonds. Mais nous avons deux sièges et il y a d'autres représentants, des représentants de la ville de Malartic, des représentants de la Chambre de commerce, des représentants des organismes communautaires. Nous avons également la rectrice de l'Ukraine, etc. Et puis le total, c'est pour ce que la ville a appliqué, c'est 5 milliards et plus. Je me demandais pourquoi le pourcentage c'est vous qui sont un petit montant de profit en bout de ligne. Ça fait quoi? 0.1%, 0.1%. Je pense que c'est beaucoup plus grand que c'est une des plus grosses prises qu'il va y avoir au monde. C'est un article. Quand on va avoir la plus grosse prise au monde, on vaut quand même un petit peu ça. Écoutez, je le prends en considération. Est-ce que le FEDMO pourra être majoré? Est-ce que le FEDMO pourra déposer plus d'argent lorsqu'on se rend à l'opération? C'est une bonne question et ça me demande une réflexion, ça demande de regarder. De voir une entente, parce que je sais qu'il y a des ententes qui se prennent avec des gros projets, des utilités, des barrages, partout dans la province. C'est intéressant d'avoir une chose qui dans peut-être mettre pour faire des recherches dans d'autres situations comme ça. Merci. Merci. Ma question concerne la relocalisation. Nous avons aussi que l'école est en construction, la garderie est en construction, le centre communautaire est en construction. Mais qu'est-ce qui arrive avec la pizza Saint-Martin? Tout ce qu'on nous a dit, c'est qu'il y a des faits. Il faut être reconstruit sur un terrain à 100% à l'hôpital de Madame. La deuxième chose, c'est l'autre HLM, qui est voisin de la ville de Saint-Martin. Qu'arrive-t-il de ce projet-là aussi? Ces deux-là ne sont pas des autorisations des fois pour bâtir ce genre de projet sont longues à venir. C'est ça fait partie de ma réponse, justement, au niveau du ministère de la Santé. Ça va prendre des démarches qui sont beaucoup plus longues. Donc, c'est pour cette raison que nous avons décidé les trois bâtiments et nous sommes à terminer des ententes avec le HLM, donc le CHSLC, pardon. Au niveau du HLM, on n'a pas de problématique, c'est tout simplement que nous avons décidé, étant donné que c'est quand même assez, il n'y a pas de complications ou de problématiques au niveau de construction. Donc, pour nous, on pouvait quand même le faire un peu plus tard pendant notre structure. Mais du côté, pour répondre spécifiquement, encore là, je reviens pour le CHSLC. C'est une construction qui doit être remise à la norme. Donc, les nouveaux CHSLD au Québec, il y en a, mais en construction à chaque semaine. Et surtout, les CHSLD doivent aussi procéder à un échange de clés. Ça n'existe pas dans les volumes du ministère. Donc, pour eux, se faire donner un bâtiment, tout l'aspect légal de tout ça, il faut tout attacher de ça. Parce que tout ce qu'on va faire, on va faire un échange de clés entre l'ancien bâtiment et le nouveau bâtiment qu'on va leur remettre selon leur nom. Donc, on a eu la chance de travailler beaucoup avec le docteur Bonduc. Malheureusement, ce qui a fait ralentir le dossier, c'est le départ du docteur Bonduc pour devenir le ministre de la Santé. Et là, il a fallu reprendre un peu le dossier. Je n'ose pas faire ma réunion, monsieur. Avec Yavanna. Pas de question. D'accord. Jacqueline, ça fait l'une de vous allez faire un mur pour que vous appelez ça un parc linéaire, un bon site. Vous appelez ça un parc linéaire. Quelle partie de ce bon site-là va être utilisée par la population comme ça? Parce que regardez tantôt, vous avez une petite question dans ce site. La question est posée, non? Non, mais c'est pour aider. On va répondre. Je pense qu'on a l'ensemble du parc linéaire est inclus la bordure externe de ce sentier. Et ce que vous ne voyez pas, c'est plus loin, le sentier rentre dans le rue. Aux endroits qu'on va mettre des alcôves. Le premier projet, on s'est aperçu que si on voulait mettre des choses intéressantes à voir, les gens étaient trop loin. Donc, lorsqu'on parle de parc linéaire, on parle vraiment de, on va rentrer à l'intérieur du mur, ça peut nous permettre, on a l'intention de mettre des vivants sur ces endroits-là. Donc, à 5 endroits différents, on va pouvoir s'approcher de ces zones d'intérêt. Donc, c'est dans l'intégrité pour ça que ça s'appelle un parc linéaire. L'autre sortie spécifique, que vous allez construire une tour pour que les gens puissent voir ce bout-là. J'essaie d'imaginer, moi, les gens qui vont aller là, ils vont aller s'installer là pour regarder l'eau monter. C'est quoi qu'il y a à voir dans ce bout-là? S'il n'y a pas de vie, s'il n'y a pas de rien, parce qu'on a dit tantôt qu'il n'y a pas de vie, c'est ça que tu comprends? En 24 ans, c'est long, ça se fait en haut d'une tour. La tour va être installée lors de l'opération. Donc, la tour, ça va être là pour permettre de voir les opérations de la mine et l'évolution des travaux d'opération dans la mine, puisque les opérations sont possibles à aucun endroit, sauf par la tour. Monsieur Jacob, vous avez trouvé votre dernière carte. Rejeté. Non, comme ils disent. Rejeté. Il y en a d'autres, M. Jacob, qui ont des questions? Oui, monsieur. Bonjour, Patrick Madiana. Dans la présentation du projet, tantôt, on a. Il va y avoir des mesures de suivi pour la nappe phréatique. Je dirais qu'il y a toujours la même qualité, la même pression. Sauf que ça, ça n'est qu'un suivi. Si jamais il y a une nappe phréatique, on sait comment ça fonctionne. Hein? J'ai vécu le problème avec le micro en 1984, avec une autre compagnie minière. La nappe phréatique passe en entonnoir, tranquillement, ça se grandit tranquillement autour d'une mine ou autour d'un chose. Depuis le même, un trou qu'on creuse. Une fois qu'elle est affaissée, ta nappe, ça ne remonte pas qu'il n'y a ça là. C'est quoi la mesure de prévoyer si jamais il y a un problème d'affaissement de ta nappe? Merci. Monsieur Tournier? Oui, pour ce qui est du suivi, ce suivi-là, c'est vous de le suivre, mais c'est une problématique. D'être capable de fournir l'eau, d'apporter des correctifs. Pour une situation qui est temporaire, parce que dès la fin de l'exploitation, lorsqu'il y aura plus de pompage, l'eau va commencer à remonter par les eaux de surface, les eaux souterraines, et la situation va se rétablir. C'est vraiment, le risque est écarté, c'est vraiment une situation en fin d'exploitation. Donc, dès que l'ennoiement va recommencer de la faute, la nappe va, si jamais il y a un affaissement, la nappe va se rétablir. Oui, à rajouter, je pense qu'on va avoir vraiment un bon détail du côté hydrogéologique dans le bilan d'eau. Les études qui ont été faites, les modèles qui ont été utilisés de la part de la firme Baudin seront présentés dans le futur d'impact. Pour rejoindre les premières questions qui ont eu lieu dans la semaine de ça va? C'est en tout cas chose certaine, c'est qu'on peut dire que le genre de participation que vous avez fourni ce soir nous permet certainement de dire que l'expert citoyen est dans la salle, l'expert qui soit aussi dans la salle aux audiences publiques. Et moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que de courrier, de continuer, de faire, d'envoyer, c'est-à-dire vos demandes d'audience, s'il y en a d'autres, des sujets qui n'ont pas été traités ce soir, pour qu'on puisse être sûr de faire le tour de vos préoccupations. Le compte rendu qui tient compte des préoccupations de ce soir devrait être déposé de façon publique après le 12 mars, mais le contenu de ça, certainement cheminer à la commission en prévision de l'audience. Alors, je vous remercie d'être venu d'avoir participé de cette façon-là. Vous demandiez, je ne sais plus qui demandait, étiez-vous de la région, Madame Loiselle, et des mots aussi. Moi, je suis née à Rwanda, et je revenais depuis un certain temps, j'étais pour venir dans la région, et j'en suis fort fière. Je suis très contente d'avoir venu avec des gens de Malartic. Alors, je vous souhaite une belle fin de soirée et de retourner chez vous en toute sécurité. Merci.